Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission Calendrier des esclavages et des libérations. Oui, Calendrier des esclavages et des libérations, l'émission du lundi soir. Alors, il y aura ce soir une revue de presse, bien entendu, le calendrier des esclavages et des libérations. Clément Viktorovitch nous parlera de la rhétorique de l'évidence. Rhétorique de l'évidence, la façon dont on nous manipule, hein, voilà, les discours bien manipulants, bien manipulateurs. Mélenchon nous parlera de la pauvreté qui explose à cause de vous, alors pas vous, les auditeurs de RGM, enfin du moins pas tous, une faible minorité, on peut supposer, hein, à cause de vous, les gens du gouvernement. Hein, il voulait dire Mélenchon, c'est d'eux qui parlent, bien sûr. Le Média, la chaîne de télévision libre comme les Radio Guimauzo, hein, Radio Libre, Télévision Libre, En marche vers la peste ou le choléra. Bon, alors est-ce que la dernière fois aux élections présidentielles, on a eu à choisir entre la peste et le choléra? Les gens ont plutôt choisi le choléra. Voilà, et que sera la prochaine fois, hein? On peut tout craindre. On peut tout craindre. Le Média encore, grève le 5 décembre, panique au gouvernement. Le Média, en Macronie, on accouche au bord de la route. En Macronie, on accouche au bord de la route. Alors, il y aura aussi un portrait, une interview de Corinne Massiero. Ouais, actrice. Quatennens nous dira que le chômage, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, nous dira que le chômage tue. Le chômage tue. Ah oui, ouais, ça tue le chômage. Ensuite, bien, l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, une émission de Arte. Eh oui, les chaînes de télévision font de très bonnes émissions par moment. Eh oui, pas forcément aux heures de grande écoute, pas forcément toutes les chaînes, pas, et chaque chaîne ne fait pas toujours du très très bon travail, mais voilà, il faut qu'on soit attentif, hein, il faut qu'on les regarde, qu'on les écoute, qu'on les écoute en réfléchissant bien à ce qu'ils disent, à ce qu'ils veulent dire, à ce qu'ils veulent nous faire croire, comment, enfin bon, ils nous informent, hein, de façon positive ou plus ou moins. Le Média, le 5 décembre, destination finale du pouvoir. Et puis, bon, ben, évidemment, une revue de presse un peu spéciale, puisqu'on est à quelques jours de la grève du 5 décembre. 5 décembre, ça doit être une date historique pour M. Macron. Ça doit être un jour dont il se rappelle jusqu'à la fin de ses jours. Hein? Ah oui, parce que il faut qu'on le secoue assez fort si on veut que, si on veut que la vie des gens change. Hein, si on veut arrêter le malheur, voilà, actuel. Thank you. Le calendrier des esclavages et des libérations. Et oui, nous voilà déjà arrivés au 2 décembre, 2 décembre 2019. Que ça passe vite tout ça. Le 2 décembre, que s'est-il passé? Bien, le 2 décembre 1851, en France, Louis-Napoléon, prince président, élu en 1848, organise un coup d'État sanglant contre la Deuxième République. Il viole la Constitution, dissout l'Assemblée nationale, arrête le chef de la garde républicaine. L'opposition au coup d'État s'exprime avec vigueur dans la vallée de la Drôme. La ville de Crest est en insurrection. À travers tout le pays, une ère de surveillance policière et de répression va commencer. La bourgeoisie d'affaires se frotte les mains. Bien évidemment, toute ressemblance avec des événements plus récents, etc., etc., est purement fortuite et indépendante de la volonté de notre radio libre. Eh oui, parce que libre, libre. 1868, Rémion. La troupe tire sur des manifestants qui réclament le départ des jésuites et la fermeture de la Providence dirigée par les Spiritains. 8 morts parmi les manifestants et de nombreux blessés. 1914, Allemagne. Le gouvernement exige d'autres crédits de guerre du Reichstag, c'est-à-dire de la Diète. Karl Liebknecht est le seul député à voter contre. Le président de l'Assemblée nationale refuse de faire consigner la motivation de son vote. Le discours de Liebknecht sera diffusé comme tract illégal. Et il y avait déjà des résistants à cette époque-là. Eh oui, pas nombreux. Et non, ils sont jamais assez nombreux les résistants comme actuellement. Ils sont pas assez nombreux. 1918, mais ça viendra. 1918, Russie. Décret sur la liquidation des banques étrangères. 1927, URSS. Le 15e congrès du Parti communiste condamne le trotskisme comme anti-bolchevique et anti-soviétique. Entre 1927 et 1929, 8000 partisans de Trotsky seront déportés en Sibérie. 1937, Brésil. Le Parti communiste est interdit. 1945, Albanie. Les élections législatives, faisant suite à une épuration rigoureuse, donnent 93% des voix au Front démocratique dirigé par le Parti communiste. 1945, France, sous De Gaulle, nationalisation de la Banque de France et des grandes banques de crédit. Je répète, 1945, France, sous De Gaulle, nationalisation de la Banque de France et des grandes banques de crédit. 1947, France, à Saint-Étienne, les gardes mobiles chargent les ouvriers réunis à la Bourse du Travail. 1948, Japon, constitution du Parti des ouvriers et des paysans. 1969, USA, abondance et misère se côtoient. Déjà, encore. Devant 3000 délégués de la conférence sur l'alimentation et la santé aux USA, Nixon déclare « Les États-Unis doivent encore parcourir un long chemin avant de résoudre le problème de la faim dans leur pays. » Résoudre le problème de la faim dans leur pays aux États-Unis en 1969. Vous vous rendez compte? Et c'est pas fini. 1970, Chili. Première expropriation des grandes propriétés agricoles. Les Latifundia. 1972, Grèce. Les élèves des écoles de technologie d'Athènes et de Salonique se mettent en grève illimitée. Le gouvernement décide la fermeture de ces établissements pour 10, puis pour 20 jours. 1977, Palestiniens. Une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU déclare, deux points ouvrant les guillemets, reconnaissant la nécessité d'assurer la diffusion la plus large possible de renseignements sur les droits inaliénables du peuple palestinien, l'Assemblée prie le secrétariat général d'organiser chaque année, à partir de 1978, le 29 novembre,

Une petite revue de presse, il se passe beaucoup de choses, alors on s'en tiendra au titre, hein, bien sûr. Samedi 23 novembre 2019, par exemple, Vosges Matin, territoire Châtel-sur-Moselle, territoire zéro chômeur, vous avez bien entendu, le secteur concerné par le dispositif. Voilà, alors je ne ferai pas de commentaires, je pense que vous les ferez vous-même, les commentaires. Docel, environnement, une nouvelle association actrice de la transition énergétique. Alors, contacte Thierry Abel, téléphone 06 14 46 00 78. 06 14 46 00 78. Ou encore mail thierry88.abel@orange.fr. Il vous expliquera plus clairement que moi, sans doute, de quoi il s'agit. Eh oui, il y a des communes qui se mettent à, des associations qui se mettent à produire de l'électricité. Ouais. Et ça, c'est une très bonne idée. Hein? Ah oui. Un nouveau cap social pour Nestlé Vater. Les Vater, oui. Dame, je peux aller au Vater, s'il vous plaît? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pour Nestlé Waters, c'est les eaux de Vittel, autrement dit, en français. Hein? Nestlé Waters, c'est eau de Vittel. Ou d'Evian, ou de Contrexéville, ou de, voilà, water, les water, oui, ben les water, c'est l'eau. On vit dans une société riche, mais la misère est de plus en plus présente. Visite en terrain miné pour Macron dans sa ville natale. Ça y est, c'est fait, et il a beaucoup parlé, il n'a pas dit grand-chose, mais il a beaucoup parlé, ouais. Voilà, c'est le parler creux sans peine, ça s'appelle. Les salariés des CFA à Lorraine Éducation, les salariés des CFA publics inquiets pour leur avenir. Ah, bon, je croyais que CFA c'était l'avenir. Ah, ben non, apparemment, non. Question A, là c'est le Vosges Matin du un peu plus ancien, oh non, pas tant que ça, du 21 novembre. Dominique Pédugy, président de l'association des maires des Vosges, deux points, ouvrons les guillemets, le discours de Macron à la réunion des maires de France, là, un discours trop long pour peu de contenu, ben c'est l'habitude, avec Macron il fait de longs discours, et quand on fait le bilan après, eh ben on s'aperçoit qu'il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Social, patronat, retraite, le MEDEF met la pression. À 2 semaines de la grève contre la réforme des retraites, le patronat réclame des mesures immédiates de relèvement de l'âge de départ afin de limiter le creusement du déficit. On nous annonce quasiment l'apocalypse pour le 5 décembre, ironise Geoffroy Roux de Bézieux. Il ironise. Ouais. Et il oublie de parler du chômage. Et le chômage, ben, il faut pas en parler parce que le chômage, c'est le truc, les inondations, on va parler de tous les sujets sauf du chômage. Parce que le chômage, c'est, quelque chose de tout à fait stratégique pour le patronat. Parce que le chômage, c'est ce qui permet de peser sur les salaires et sur les conditions de travail. Sans le chômage, le patronat, il perd une partie de son pouvoir. Eh oui, il vaut mieux donner moins d'argent, beaucoup moins si possible, aux salariés, pour pouvoir en donner plus, beaucoup plus si possible, aux actionnaires. Eh oui, on rançonne les salariés au profit des actionnaires. C'est ça le capitalisme. Eh oui. Port du voile, Vesoul, société. Port du voile, une religieuse catholique refusée en foyer logement. Elle portait un foulard islamique, la religieuse catholique. Oh, on mélange tout. C'est ça. Enfin, un couple condamné pour avoir fait pousser du cannabis, c'est à Épinal, en justice. La filière pierre à Camille Claudel, Remiremont. Les secrets d'une excellence. Eh oui, excellence. Eh, votre excellence. 380 000 euros d'impayés de cantine scolaire en 8 ans. C'est à Épinal. Vous avez bien entendu, 380 000 euros d'impayés de cantine scolaire en 8 ans. Comment cela peut-il se faire? que l'on ne paye pas la cantine pour les enfants. Hein, comment ça peut se faire? Est-ce que c'est la faute du conseil municipal? Est-ce que c'est les parents qui ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens? Oh, nous sommes en France, 5e ou 6e pays le plus riche du monde. Oh, il n'y a pas de pauvres en France. Mais non, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres et je ne sais pas combien de milliers de sans-abri en France. Ben non, parce qu'on ne serait pas un des pays les plus riches du monde s'il y avait autant de pauvres. Ben non, ça ne pourrait pas. Ben non, il ne faut pas tout mélanger, voyons. Société Grenelle, violence conjugale, la déception. Les mesures annoncées lundi par le Premier ministre à la fin de cette grande concertation ont laissé les associations féministes plus que sceptiques. Ah oui, plus que sceptiques. Ben, qu'attendre d'un gouvernement comme celui-là? Un gouvernement qui a pieds et poings liés au service des actionnaires. Les actionnaires, encore les actionnaires, toujours les actionnaires, seulement les actionnaires. Il n'y a qu'eux qui comptent, c'est eux qui dirigent le pays, c'est eux qui tiennent les rênes, c'est eux qui tiennent le licol que nous avons autour du cou et ils tiennent la ficelle au bout et ils tirent de temps en temps dessus pour nous rappeler que c'est eux les chefs, les maîtres. Eh oui, prise en charge des victimes, alors les violences conjugales, ce qui a été annoncé le 25 novembre. 1000 nouvelles places d'hébergement en janvier 2020, oui, c'est-à-dire c'est pour plus tard. Et quand Macron parle de choses pour plus tard, eh bien vous avez remarqué, elles ne se font pas, elles ne se font jamais. Le numéro d'appel 3919, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 3919, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faudra essayer pour savoir si ça fonctionne. Prise en charge des conjoints violents. Création de 2 centres de prise en charge des hommes violents par région. Adoption du bracelet anti-rapprochement. Que ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Parce que ces bracelets-là, ils existent depuis très longtemps. Hein? Alors encore faudrait-il les utiliser. C'est pas le tout d'avoir des inventions intéressantes. Si on ne s'en sert pas, ça c'est pas bien utile. Suspension de l'autorité parentale du conjoint violent. Ah oui, c'est un minimum. Hein? Dans la loi, notion d'emprise inscrite dans les codes civils et pénals. Ajout de la notion de circonstance aggravante dans les cas de harcèlement et violence menant au suicide. Chez les forces de l'ordre, grille unique d'évaluation des dangers. 80 postes d'intervenants sociaux supplémentaires d'ici 2021. D'ici 2021. Eh oui, vous avez bien entendu. D'ici 2021. Alors, grand point d'interrogation. Est-ce qu'ils feront le commencement du début de cette réalisation-là? Comme les autres. On peut douter. On peut se douter. Hein, on peut ne pas croire ces gens-là. On a plein d'indices qui nous incitent à ne pas croire à ce que ces gens-là disent. 80 postes d'intervenants sociaux supplémentaires d'ici 2021 pour améliorer l'accueil des femmes. Voilà, ben, qui vivra verra. Hein, mais moi, je ne crois plus du tout à ces gens-là. Plus du tout. Tous ces gens-là, ils sont bons à mettre dans la poubelle de l'histoire. Hmm? La poubelle de l'histoire. Il faut la faire grande, la poubelle de l'histoire, parce qu'il y aura du monde à mettre dedans. Hein? Eh oui. La santé, la douleur chronique continue et récurrente reste mal prise en charge en France. Alors, traitement de la douleur. D'après la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui tient son congrès mercredi et jeudi, 12 millions de Français sont victimes de douleurs chroniques. Lamentable, parce que là encore, on a des moyens. On a les moyens d'agir. Mais voilà. Hein? Ben oui, comme pour le reste. C'est comme pour le reste. On est mal gouverné. Et pourquoi est-on mal gouverné? Ben, c'est la faute des autres, ceux qui gouvernent. Oui, tout à fait. C'est leur faute à 99%. Et puis, il y a 1%, et 1% qui reste, vous allez dire que c'est... Eh ben, c'est... enfin, il y a 1%. Ou l'inverse, hein. C'est les électeurs. Les gens qui ont mis ces gens-là au pouvoir, ah ben oui, et réfléchir après avoir voté, c'est bien, c'est utile, c'est nécessaire. Mais voter nécessaire et réfléchir surtout bien avant de voter, là, ça sera encore beaucoup mieux. Hein. Parce que de génération en génération, il y en a marre de se faire avoir. Le Vosges politique, le département se désendette et continue à investir. Voilà. L'enfance, l'autonomie. L'éducation, la culture, le sport sont parmi les priorités du budget 2020 du département. Et le chômage. Va-t-on encore voter pour des gens qui ne font rien contre le chômage, qui n'agissent pas, qui ne parlent pas, qui n'agissent pas contre le chômage? Des gens qui sont des larbins de ceux qui vivent du chômage. Parce qu'il y a des gens qui vivent du chômage, qui vivent très bien du chômage, qui réduisent une certaine partie de la population à la misère pour eux avoir le superflu. Le superflu qu'ils n'arriveront jamais à dépenser. Hein, voilà. Près de 150 000 LED installés pour illuminer les rues. C'est à Remiremont. 150 000 LED. Et je ne sais pas combien de kilomètres de câbles pour alimenter tout ça. Autre chose, dentiste égyptologue mène l'enquête. Alors, j'ai choisi le plus court parcours des études de santé car je voulais faire archéologie. Alors, il a fait l'école des langues orientales anciennes de l'Institut catholique de Paris où il apprend à déchiffrer les hiéroglyphes. Nanti de cette double formation médicale et archéologique, il devient spécialiste des rituels funéraires et d'embaumement en Égypte ancienne. Voilà. Et bon, il a écrit un livre sur le... Alors, le titre, c'est « Criminalistique, indices de traces en archéologie ». Voilà. Alors, c'est un livre qui est vendu 15,50 € aux presses universitaires de Lorraine. Voilà, ceux qui s'intéressent à l'archéologie et aux méthodes de plus en plus modernes, de plus en plus scientifiques de l'archéologie. Ouais, voilà. Alors, d'autres documents encore. Un coup d'État bien juteux en Bolivie. Point d'interrogation. La Bolivie détient la principale réserve mondiale de lithium, un métal nécessaire à la production des batteries de voitures électriques. Elle est le 4e plus grand producteur de gaz naturel d'Amérique latine et possède la 2e plus grande réserve de gaz naturel d'Amérique du Sud. Elle est le 4e producteur mondial d'étain, le 3e producteur mondial d'antimoine, le 8e producteur mondial de plomb, le 9e producteur mondial d'argent et le 10e producteur mondial de zinc. Alors, bien sûr, on va voir croiser dans les eaux territoriales ou pas loin des eaux territoriales de la Bolivie, des bateaux US Army, hein, US Navy, bien sûr. Et puis, il doit y avoir dans le pays des agents qui gravitent autour des milieux financiers, techniques, politiques, etc., pour coloniser ce pays-là. La Bolivie ne va pas rester ou devenir ou tenter de devenir indépendante. Mais non, les USA, ils règlent les affaires à leur manière. Proposition d'article. L'après-congrès 2019 au Mans de la FGRFP, première réunion du groupe fiscalité le 19 novembre au siège. Le gouvernement ne mène aucune réflexion d'ensemble sur la fiscalité. Tout au plus met-il en œuvre les solutions les plus ultralibérales. Le groupe de travail aborde les thèmes généraux de la fiscalité et des prélèvements obligatoires. Marc Vera, responsable et coordinateur du groupe, nous présente les dernières études de la Direction générale des finances publiques qui retracent les recettes fiscales 2018 et le détail par impôt. Alors que le Congrès a rappelé les principes qui fondent la République, que sont le consentement à l'impôt et l'égalité des citoyens devant l'impôt, nous faisons l'amer constat que le gouvernement tourne le dos à ses fondamentaux. Le gouvernement tourne le dos à ses fondamentaux. Nous prenons acte de l'absence de cohérence et d'explication républicaine de l'impôt dans le fonctionnement de l'État. À la place de conduire une réforme fiscale de grande ampleur qui garantisse une réelle justice sociale, Macron procède par touches successives à réduire les recettes fiscales pour amener la France à renoncer à ses services publics. Voilà. Alors, un communiqué de la FGR, Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique. Eh oui, parce que les retraités aussi, ils se bougent. Eh oui, enfin certains, un certain nombre, un nombre certain. Eh oui, rejoignez-nous. Eh oui, plus on est nombreux, plus on a de chances d'être efficaces. Chère Madame Buzyn, Constance, c'est le prénom que mes parents m'avaient choisi. Je suis né le 1er août 2018 dans un grand hôpital parisien dont je ne citerai pas le nom mais que tout le monde connaît bien. Et j'y suis morte le 25 août 2018. Je suis né avec un petit cœur bien malade et alors que les médecins conseillaient à mes parents de se débarrasser de moi comme on jette un papier à la poubelle, ils ont décidé de me faire vivre. On leur a dit que l'interruption médicale de grossesse coûtait moins cher que des soins. Ma petite vie avait donc un prix, même avant ma naissance. Mes parents ont fait 900 km pour que je puisse recevoir les meilleurs soins possibles, car près de chez moi, dans les hôpitaux marseillais, le plafond des chambres tombe et le matériel est tout délabré et nous non remplacé faute de moyens. Alors des plafonds qui tombent, on peut voir ça aussi dans des hôpitaux pas loin d'ici. Par Mirmont, non. À Épinal, oui, dans l'ancien hôpital, enfin l'ancien hôpital, l'hôpital actuel, parce que l'autre, il est encore et toujours en construction. Hein. Les plafonds qui tombent. J'étais une jolie petite fille avec l'envie terrible de vivre. Mais je suis née au mauvais moment. Je suis née à la mauvaise période, a-t-on dit à mes parents. Y a-t-il une bonne période pour naître, Madame Buzyn? Madame Buzyn. Y a-t-il une période meilleure qu'une autre pour être soignée? Ou plutôt, est-il normal qu'il y ait des mauvaises périodes, Madame Buzyn? Alors, je ne vous lirai pas la totalité, parce qu'il y en a deux pages. Hein, comme ça. Eh oui, ça mériterait d'être lu en totalité, mais manque de temps, manque de temps. Eh oui, le temps d'antenne, il est quand même mesuré. Hein. Alors, week-end contre le nucléaire, les 7 et 8 décembre 2019, à Darnieul. Le week-end sera précédé d'une projection de film documentaire « Atom » jeudi 5 décembre à la boîte à films au cinéma Palace à Épinal. Vosges Alternatives au nucléaire et ses amis vous invitent à un week-end de rencontres, de projections et d'échanges autour du nucléaire dans la salle des fêtes de Darnieul dans les Vosges. Eh oui, le nucléaire, on est tous concernés, tous, tous. Eh oui, parce que le nucléaire, c'est la centrale nucléaire la plus proche de chez vous, elle est forcément à moins de 100 km. Il y a plusieurs centrales nucléaires qui sont proches de nous à moins de 200 km. Ah oui. Alors, suivant la direction dans laquelle souffle le vent, suivant, etc., on est contaminé, condamné à plus ou moins long terme. Mais on est tous concernés. Tous concernés. Il faut en prendre conscience. Prendre conscience. Oh, prendre conscience. Décès de 13 soldats français au Mali. Réaction du groupe La France Insoumise. Communiqué du groupe parlementaire de La France Insoumise, c'est-à-dire les 7 les députés de La France Insoumise. Le 17. Le groupe de La France Insoumise dit à sa très vive émotion à l'annonce du décès de 13 soldats au Mali. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et à leurs frères et sœurs d'armes. Dans ces moments d'épreuve extrêmement douloureuses, il souhaite témoigner du soutien de toute la nation à celles et ceux qui mettent leur vie en danger en obéissant aux autorités politiques. Nos pensées d'affection vont aussi à leurs proches qui les accompagnent face aux risques. Face à ce deuil, le groupe de la France Insoumise en appelle aussi au gouvernement. Il est temps d'ouvrir une discussion sérieuse et rationnelle pour envisager les voies de sortie d'une guerre dont le sens échappe désormais à nombre de nos compatriotes et de Maliens eux-mêmes. Jeudi 5 décembre, CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNI, UNEF et FGR, que j'ai cité tout à l'heure. Jeudi 5 décembre, toutes et tous en grève et dans l'action. Les organisations syndicales et de jeunesse s'engagent à construire un plan d'action contre le projet de réforme et de retraite par points et pour gagner un renforcement, une amélioration du système actuel de retraite solidaire et intergénérationnelle. L'émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels montrent la nécessité d'apporter des réponses aux salariés en termes d'emploi, de salaire, d'emploi, de salaire, d'égalité entre les femmes et les hommes, de conditions de travail. Autant de sujets qui sont étroitement liés aux questions de la retraite et que l'actuel projet de réforme gouvernementale aggravera. Les organisations vont initier et impulser des assemblées générales sur les lieux de travail et d'études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élus locaux et nationaux, des initiatives de sensibilisation de toute la population pour échanger sur la réforme et sur les modalités d'action et de riposte collective. Les organisations syndicales et de jeunesse, CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF, FGR appelle l'ensemble des salariés du secteur privé comme du secteur public, des retraités, des privés d'emploi, des jeunes, à une première journée de grève, première journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019. Montreuil, le 16 octobre 2019. Alors j'insiste, je me permets d'insister lourdement sur l'emploi. Parce que n'oublions pas que nous avons 6 millions de chômeurs en France en 2019. Et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça à une certaine époque. C'était en Allemagne en 1932. En 1932, les Allemands ont mal voté. Ils ont voté pour Hitler à 24%. Mais 24%, c'était pas suffisant pour avoir le pouvoir. Par contre, l'année suivante, il y a eu de nouveau des élections. Et cette fois-là, Hitler et son parti nazi ont fait 42% des voix, ce qui permettait, suivant la constitution allemande, ils étaient le premier parti politique à cette époque-là, et étant le premier parti politique, eh bien, c'était à eux qu'on a confié le pouvoir. Le maréchal Hindenburg a donné les clés, a confié les clés du pouvoir à Adolf Hitler pour 12 ans, enfin, il ne savait pas que ce serait pour 12 ans, et Hitler, eh bien, il a profité pour faire la Deuxième Guerre mondiale, et plus de 60 millions de morts. Voilà. Alors, avant de voter pour n'importe quoi, n'importe qui, il faut bien réfléchir parce que le billet que l'on donne à ces gens-là, c'est un billet, c'est un aller simple. Hein. On va vers ce type de pouvoir dictatorial à cause du chômage ou grâce au chômage, diraient ceux qui fabriquent le chômage et qui en vivent bien, qui en vivent très bien. Parce qu'il y en a qui vivent très bien, très confortablement, grâce au chômage. À cause du chômage, grâce au chômage. Et oui, le chômage, c'est une mine d'or pour certains. Hein, c'est une mine de misère pour le plus grand nombre, mais c'est une mine d'or pour une minorité. Ah oui, alors, si on laisse faire ça, ben, on est complice. Voilà. Alors, il va y avoir une grève le 5 décembre. Hein, voilà. Appel des unions régionales d'Île-de-France, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNL, à s'engager massivement dans la grève à compter du 5 décembre et à tenir des assemblées générales pour reconduire le mouvement. Défense et maintien de tous les régimes de retraite. Retrait du plan Macron-Delevoye. Retour à une retraite à taux plein à 60 ans. Oui, parce que si on fait travailler les gens plus tard, c'est leur gâcher la vie à eux et c'est gâcher la vie aux jeunes qui ne trouveront pas de travail. Hein, s'agit de savoir ce qu'on veut. Hein, si on veut seulement faire plaisir aux actionnaires, donner de plus en plus de fric à ceux qui en ont déjà beaucoup trop, ou si on veut permettre à des jeunes de enfin commencer à vivre. Enfin. Hein. Dans cette période de forte mobilisation et d'appel à la grève dans de nombreux secteurs, RATP, SNCF, transport, EDF, fonction publique, industrie chimique, métallurgie, etc., les unions régionales d'Île-de-France appellent l'ensemble des salariés, agents de la fonction publique, retraités, étudiants, lycéens, à s'engager massivement dans la grève à compter du 5 décembre et à tenir des assemblées générales pour reconduire le mouvement et faire céder le gouvernement sur nos revendications. Elles soutiennent toutes les grèves et les luttes en cours à la SNCF, à l'hôpital, aux finances publiques, à l'université, qui s'opposent à la politique libérale et autoritaire du gouvernement et qui visent à remettre en cause les conquis sociaux. C'est-à-dire acquis, mais acquis par la conquête, hein, par la lutte, les conquis sociaux, et à précariser encore plus l'ensemble des salariés, retraités et étudiants, et chômeurs, et salariés, et chômeurs, et retraités, et etc. Hein, voilà. Tout le monde est concerné quand même, merde. Les unions régionales revendiquent maintien des régimes de retraite, régimes général, régimes spéciaux, régimes complémentaires, code des pensions civiles et militaires, retrait du plan Macron-Delevoye, retour à la retraite à taux plein à 60 ans, taux de remplacement de 75% de la rémunération d'activité sur la base des 10 meilleures années dans le privé et des 6 derniers mois dans le public. Pas de retraite inférieure au SMIC. Prise en compte de la pénibilité, des périodes de formation et aménagement des fins de carrière. Les unions régionales informent qu'elles se réuniront dès le 5 au soir. Voilà. Alors, pour ceux qui habitent dans la région parisienne, manifestation jeudi 5 décembre, Bah oui, parce que RGM, on peut l'entendre sur Internet partout dans le monde, hein. Et c'était une radio libre et locale. Maintenant, c'est une radio libre, toujours libre, mais plus seulement locale. Ah oui, on peut recevoir RGM par la voie des ondes dans un rayon de 10 km, 15 km, 20 km, suivant la direction, à partir de notre bande antenne qui est sur le Fossard, là-haut. Mais par contre, ailleurs, on peut recevoir par le net. Hein. Vous tapez Radio Guimauzo et puis vous aurez la marche à suivre. Donc, manifestation jeudi 5 décembre, 14 h, Gare de l'Est, pour les Parisiens ou les gens de la région parisienne, et en direction de la place de la Nation. Voilà. Alors, pour nous, ce sera Épinal. Hein. Ah oui, on va pas faire une manifestation à Armiremont, quand même, la cité des Chanoinesses, voyons. Hein. Oh, ben non. Allez, bon courage. Tu vas faire plaisir à plein de monde aujourd'hui parce que tu as décidé de nous parler du débat pour la PMA pour toutes. Mais exactement. L'examen de la loi de bioéthique se poursuivait hier à l'Assemblée nationale. C'est notamment dans cette loi qu'on a l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et alors, dans ces débats, on a eu une déclaration curieuse de la députée La République En Marche, Aurore Berger. Ni ici, ni aujourd'hui, ni demain, nous n'empêcherons de quelconque parent hétérosexuel de vouloir concevoir un enfant de manière charnelle. Personne ne l'empêchera. Personne n'empêchera des couples hétérosexuels de créer des familles de manière charnelle. Voilà, on est rassuré. Génial. On est quand même très rassuré. Aurore Berger n'interdira pas aux couples hétérosexuels de coucher ensemble. Moi, j'avais un peu peur. Pour être honnête, ça m'angoissait un peu. Et en plus, on a le droit de respirer à Rouen. Exactement. On se sent tout de suite beaucoup mieux. Bon, ça, en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça un truisme. Un truisme, c'est une phrase trop évidente. Une vérité qui ne devrait même pas avoir à être rappelée. Alors là, en l'occurrence, il ne faut pas être dupe chez Aurore Berger. Elle dit ça dans un sourire. Il y a une forme d'ironie. En revanche, dans le débat sur la PMA, on a eu un certain nombre de truismes qui, eux, étaient beaucoup plus premier degré. Qu'une maman accouche ou qu'une maman adopte, ça reste une maman parce qu'elle donne tout l'amour qu'elle a. Permettez-moi de vous dire qu'entre le fait d'accoucher et le fait de ne pas accoucher, eh bien, il y a une certaine différence. À un moment donné, un enfant est bien le produit d'un homme et d'une femme. En rien, un donneur de gamètes n'est un père. En rien. Un donneur de gamètes est un donneur de gamètes. Bah voilà. Alors là, chemise est sur ton t-shirt. Exactement. Bien je le dis et je prends les risques. On a envie évidemment de se moquer de ce genre de phrase. Mais autant de truismes en aussi peu de temps, ça incite au contraire à prendre ça au sérieux. Et pour moi, ça nous renseigne sur quelque chose qui est intéressant, c'est le caractère proprement métaphysique des débats qui se déroulent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le propre de la métaphysique, c'est justement qu'elle vient nous questionner dans nos évidences. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans ces débats. Ils nous interrogent directement sur la filiation et quoi de plus existentiel que notre rapport à la filiation. La conséquence, c'est quoi? C'est que même les évidences les plus simples cessent d'aller de soi, elles doivent donc être rappelées. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une autre caractéristique des truismes, et c'est là où ça se corse un petit peu. Les truismes peuvent faire passer pour évidentes des phrases contestables, voire erronées. Et je crois que c'est ce qui se passe si on revient sur un des exemples qu'on a montré. À un moment donné, un enfant est bien le produit d'un homme et d'une femme. Clément, juste, est-ce qu'on peut le revoir? Moi, j'adore quand il pose le micro. Juste ça. À un moment donné, un enfant est bien le produit d'un homme et d'une femme. C'est l'équivalent d'un mic drop. Il faut mettre un peu de force dans ce débat à l'Assemblée nationale. C'est quand même glamour. Bon, ça semble évident, ce qu'il nous dit. Hein. À un moment donné, un enfant est bien le produit d'un homme et d'une femme. Sauf que factuellement, en fait, c'est pas si simple que ça. On sait qu'un enfant, c'est le produit d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Et c'est justement tout l'enjeu du débat. À partir du moment où on considère que la science a rendu possible l'insémination artificielle avec donneur tiers, un enfant peut être le produit d'une femme et d'une femme, voire d'une femme seule. Et donc toute la question, c'est de savoir si la loi doit l'autoriser. Autrement dit, ce que le député ici nous présente comme une évidence, c'est au contraire précisément le cœur du débat. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Ça nous montre qu'en rhétorique, il faut justement faire le plus attention à ce qui semble le plus aller de soi. Les vérités qui semblent les plus simples sont aussi parfois les plus trompeuses. Nous allons voter contre ce troisième budget d'un cœur d'autant plus ferme que nous avons déjà voté contre les deux précédents et que les raisons que nous avons invoquées pour le faire alors se sont trouvées vérifiées. Nous connaissons la prémisse, je dis idéologique, je pourrais dire économique, mais la prémisse idéologique de la construction de votre budget. Vous pensez qu'en allégeant les impôts, en rendant de l'argent à certaines catégories sociales, celles-ci vont immédiatement les réinjecter dans la production. Le ministre Le Maire, à qui je demandais « Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils vont le faire ?» m'avait répondu « Eh bien, le bon sens. » Comme si le capitalisme fonctionnait au bon sens. Non, il vote au taux de profit maximum, et les taux de profit maximum ne se réalisent pas dans l'investissement de l'économie réelle, de l'économie productive. Ils se réalisent dans ce qu'on appelle les services, à des taux inconnus dans l'économie productive. On tire d'une usine du 3 ou du 4% sur le capital, on tire d'un placement financier jusqu'à du 18 ou du 20%. Cet argent qui part du pays n'y revient jamais. Et à la fin, vous le verrez bientôt, vous verrez ces milliards qui sont partis dans la sphère, dans la bulle financière, éclateront avec le reste de la bulle et il ne vous restera que vos yeux pour pleurer parce que tout sera perdu de cette masse de travail, parce qu'au bout du compte, cet argent, c'est toujours d'abord du travail humain. On a beaucoup évoqué la place particulière de l'exemption de l'ISF et ces 3 milliards par an qui correspondent à tant d'autres sommes que nous aurions voulu voir affectées dans les services publics. Mais ça ne nous fait pas oublier tout le reste des allègements de toutes sortes, si bien que depuis que vous êtes là, il y en a eu pour 30 milliards au total qui ont été retirés de l'intérêt général pour affecter aux intérêts particuliers, avec l'espoir métaphysique que ces intérêts particuliers finissent par s'intéresser au sort de la patrie républicaine. Au bout de 3 budgets, nous pouvons voir le résultat. Il y a eu l'année dernière 400 000 pauvres de plus dans ce grand pays si riche. Et en même temps qu'il y a eu ces 400 000 pauvres de plus, il y a eu 400 millions qui ont été distribués à des gens qui ne demandaient rien, mais qui ne sont que 60 000. Au total, on a donné à 0,1% de la population des sommes considérables que tous les autres peinent en les voyant passer sous leur nez. La pauvreté explose, c'est-à-dire qu'on coupe de l'eau alors que c'est interdit, qu'on coupe l'électricité et qu'on peut voir dans un journal dire 7 Français sur 10 préfèrent avoir froid que d'allumer le chauffage. Non, ils sont contraints d'avoir froid parce qu'on ne leur permet pas d'allumer le chauffage, parce que c'est trop cher. La pauvreté explose. Davantage de familles se sont fait expulser de leur logement plus que jamais. 2000 personnes par an meurent dans la rue, meurent de la rue. Voilà l'état de la France. Le pays se disloque. Il se disloque parce qu'on fait se disloquer son état et ses services publics. La France est construite autour de son état depuis 1000 ans et de ses services publics depuis 100 ans. La France se construit autour de cette réalité. Eh bien, si vous défaites ça, vous défaites la France elle-même. Vous n'avez qu'à vous souvenir de ce qui s'est passé lors de la tempête Lothar, si vous vous en souvenez, en 1999. En une journée, on avait rétabli les communications téléphoniques, les communications électriques et l'eau courante. Eh bien, cette fois-ci, 10 jours après, on en est toujours au même point dans la Drôme. On a détruit l'État, on a détruit les services publics. Il y a 100 000 personnes qui n'ont pas de lit dans les hôpitaux. Il y a 360 écoles de moins. L'État est en voie de dislocation et par conséquent, la République elle-même. Ah, vous pouvez crier tandis que je parle, mais il faut opposer à ces réalités d'autres réalités, elles n'y sont pas. La classe parasitaire pour laquelle vous faites tous ces efforts ne fait aucun effort pour la patrie. Elle laisse ce pays se disloquer et ça lui est indifférent. Il faut lui courir derrière pour la rattraper, lui faire payer les impôts. Il faut lui courir derrière pour qu'elle se rende compte des misères qui s'accumulent dans notre peuple. Enfin, je vais vous dire, le changement climatique est là. Et le changement climatique nécessite pour qu'on y fasse face plus d'États, davantage d'États et non pas moins. Les tempêtes, les pluies diluviennes qui tombent sur le sud-est de la France ne sont pas seulement de la pluie, c'est le résultat d'une évaporation accélérée de la mer Méditerranée et la terre n'est pas préparée à de tels déluges. Voilà pourquoi il faudrait y mettre des milliards pour y faire face et non pas compter que je ne sais quelle main invisible du marché vienne régler les problèmes du dérèglement climatique parce que dorénavant ce n'est plus possible. Je finis. Le 5 décembre, nous allons être dans la rue. Et nous le serons au nom de cette phrase de Saint-Just. Les malheureux sont les puissants de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les dédaigne. Premier amour, près de l'usine à gaz. Premier rêve, près du vieux canal. Premier baiser, près de la raffinerie. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks, vu le pétrole mettre la nuit en feu, senti le printemps dans les fumées du vent. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town. Dirty old town. Gonna make a good sharp axe, shining steel, tempered in fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town. Dirty old town. The sun ran from the docks. The train set the night on fire. Smell the spray on the smoky wind. Dirty old town. Dirty old. Dirty old town. Dirty old town. Bon, j'en ai marre de me faire autant suer pour pondre un édito. J'ai envie de profiter de la vie et de mes week-ends. D'habitude, je passe des plombes à relire mes notes, à revoir les sujets que je me suis mis de côté sur mon fil Telegram. Je suis bombardé, écrasé par les aspérités que laisse passer l'info. L'info. Ah, l'info. Comment s'informe-t-on ? Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui reste après que la mer se soit retirée ? Il y a cette phrase de De Gaulle lue dans le petit livre de François Ruffin que j'ai interviewé et que j'ai oublié aux médias. Le livre, pas François Ruffin. Le général file la métaphore et compare le bruit du peuple qui gronde au bruit de la mer. Il faut que je la retrouve, cette citation. Mais l'idée de De Gaulle, si je l'ai bien comprise, et il parle d'un temps où les communistes étaient ses alliés, après qu'il se soit battu contre la vermine allemande, un temps où le PC faisait pas loin de 30% des voix. Son idée était la suivante. Il faut entendre le message du peuple quand il ressemble à celui de la mer qui, vague après vague, revient, nous dit qu'il a faim, qu'il veut plus de justice, qu'il veut de la nourriture dans ses assiettes, qu'il veut quelques jours de repos, des congés payés, la sécurité sociale, qu'il veut plus de liberté. La houle, les foules, les boules. Le peuple, ce n'est pas uniforme. Personne ne peut parler à sa place. Mais une oreille humaine, un minimum attentive, peut entendre un bruit quand il est lancinant, répétitif, soulève-toi, fort, pertinent. Qu'est-ce qu'on met? C'est un peu comme le boucan que font les gilets jaunes. Même si quelques figures émergent, personne ne peut parler à leur place. Les gilets jaunes, c'est le peuple des ronds-points, des zones industrielles et des restos du cœur, que le jeune Gabriel Attal, quel chimérique aveu, veut en quelque sorte pérenniser, car il soulage l'État. Les associations ne sont pas un coup, c'est pas un coup, c'est pas un boulet, c'est une chance et c'est quelque chose qui rapporte. C'est la création de richesses, du coup, et c'est aussi des coûts évités pour les pouvoirs publics. On prend un exemple, les Restos du Cœur. Restos du Cœur, 70 000 bénévoles réguliers. Si c'était des permanents payés au SMIC par l'État, ça serait plus de 200 millions d'euros par an. C'est des bénévoles avec les Restos du Cœur, donc c'est aussi une économie. Oui, donc moi je suis pour ce discours qui consiste à insister sur ce que les associations permettent en coûts évités pour l'État et pour les pouvoirs publics. Bientôt, ce jeune homme-là, vous verrez, lancera un crowdfunding pour financer l'hôpital public. Et son salaire de ministre sera pérennisé par LVMH. Après tout, il y aurait une logique. Voyez où nous en sommes arrivés. À ce moment précis où le gouvernement a intégré la pauvreté, l'extrême pauvreté, comme une constante que l'État ne doit plus combattre, mais admettre, puisque des bénévoles sont là. C'est ce que nous dit, non pas avec candeur, mais avec un parfait cynisme, la réplique miniature de notre président plénipotentiaire et bien-aimé Emmanuel Macron. Nous approchons de l'acte 52. Ces mouvements de foule sont comme des marées, semaine après semaine, même si personne entre Boulogne et Saint-Germain ne veut les voir, ils reviennent et font du bruit, un sale bruit. Un bruit qui vous emmerde, un bruit que vous ne voulez pas entendre. Vous n'avez plus d'oreilles pour cela. Vous qui êtes bouché, vous Emmanuel Macron, Mr. President of the United States of France. Je vous appelle comme ça depuis que je vous ai vu avec Donald Trump. Et je vous ai vu souvent. Il y a une ressemblance entre vous. Elle n'est pas physique, ni strictement politique. Elle tient à l'art que vous avez de communiquer et de nous violenter. À mon sens, vous êtes beaucoup plus proche dans votre manière de vous comporter, de considérer votre pays et ses classes sociales, et surtout de jouer avec le feu et nos nerfs, de Donald Trump que de Charles de Gaulle. Vous parlez comme un jeune lord éduqué et lui comme un chartier, mais vous nous amenez au même endroit. J'ai mis du temps à le comprendre et à l'intégrer, tant vous nous aviez bluffé avec vos grands airs et cette manière de mettre la France à toutes les sauces. Si vous n'écoutez pas le peuple jaune, bien-aimé président, écoutez au moins le grand Charles. J'ai interviewé une dame qu'il a rencontrée cette semaine. Elle s'appelle Marthe Cohn. Elle vit depuis 50 ans à Los Angeles, mais elle est née en avril 1920 à Metz, ma ville. Un documentaire sort sur son histoire cette semaine. Cette petite dame nous a aidés, nous les Français, à vaincre les Allemands en donnant des informations cruciales sur leur position, en étant une espionne juive chez les nazis. Je lui ai parlé pendant plus d'une heure, et à la fin nous avons évoqué la situation politique en France et aux USA. Elle avait relevé que vous étiez un président qui avait fait tirer ses policiers au LBD sur les gilets jaunes. J'imagine que vous avez vu les statistiques très précises publiées par la revue scientifique Lancet. Elles ne sont pas à votre honneur. Marthe Cohn était inquiète de voir monter l'extrême droite en France. Et nous avons évoqué Donald Trump. Sur Trump, je n'ai aucun espoir. C'est une catastrophe et c'est extrêmement dangereux. Il utilise toute la propagande de Goebbels, les mensonges répétés sans cesse jusqu'à ce qu'on les croit, d'attaquer la presse. Tout ça, c'est Goebbels. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime écouter ces personnages, surtout quand ils ont l'âge, l'expérience et l'expertise de Marthe. Nous n'avons aucun démocrate suffisamment puissant pour le combattre. Et puis Bernie, non? Comment? Bernie? Oh non, Bernie est malade, oui. Maintenant. Et de toute façon, Bernie est trop à gauche pour les États-Unis. Les États-Unis ne vont jamais aller à gauche. La sourde inquiétude de cette vieille espionne, je la partage, non seulement pour les USA, mais aussi pour notre pays. Elle a vu les sondages, comme moi, qui vous placent en tête au second tour face à Marine Le Pen. mais vous vous faites grignoter. C'est un peu comme au State, avec l'hypothèse d'un second tour Trump-Biden. Encore que Biden soit limite moins libéral que vous. Imaginez une victoire de Trump à la prochaine présidentielle et une victoire de Marine Le Pen en France. Les sondages vous rapprochent. Nous sommes à 2 ans de l'échéance et en gros 6 points vous séparent. Autant dire pas grand-chose. J'ai demandé à Marthe ce qu'elle ferait. Elle n'a pas hésité et m'a confié que si elle votait en France, elle voterait pour vous au second tour. Entre la peste et le choléra, elle choisit le choléra. Cette semaine, j'ai aussi bu un verre avec un patron de gauche. Je ne parle pas des ersatz de gauche molle comme Mathieu Pigas ou de vos amis libertariens comme Xavier Niel. Non, je parle d'un vrai patron de gauche. Un type avec un cœur qui veut aider les ouvriers, les pauvres et les journalistes fauchés. Un type qui veut encore changer le monde. Un patron de gauche, c'est un peu comme un rhinocéros blanc. C'est très rare. Avoir plein d'argent et être vraiment de gauche. Working together, we hope to bring this species back from the edge of extinction. Une partie de la discussion a tourné autour de la prochaine échéance présidentielle. Pour lui, comme pour la plupart de mes amis, les choses sont pliées. En 2022, nous aurons Marine Le Pen contre Emmanuel Macron et Macron devrait gagner. Mon ami patron de gauche, qui, comme Marthe, est dépité, votera pour vous au second tour. Il pense qu'il faut dès maintenant oublier 2022, choisir le moindre mal et préparer 2027. La vie est courte et je n'arrive pas à me faire à cette idée. Je n'arrive pas à admettre que ce duel est la seule échéance et je ne m'imagine pas voter pour vous. Putain, 7 ans. 7 ans avec vous à l'Élysée, à la télé, sur les marchés, dans les débats de plus en plus grands et de plus en plus creux. Putain, l'angoisse. Et 5 ans de Marine Le Pen, le bruit des bottes, le réveil de la bête qui dort en elle, l'incurie, le flip total. Cette semaine, après les délires voilés, la drague à l'extrême droite, les retraites, on s'attendait à, peut-être pas un virage à gauche, mais au moins une petite pause dans la marche présidentielle. Une pause pourquoi ? Parce que justement, vous pensez à la prochaine échéance et qu'il vous faut ruser et louvoyer, mais non. Monsieur le président plénipotentiaire de la République française, avec tout le respect que je vous dois, vous réussissez ce tour de force chaque semaine avec une constance de métronome à faire toujours pire. Vous êtes pour moi qui préférais, je vous l'assure, évoquer la fonte des glaces ou la défaite du PSG à Dijon, une source permanente d'inspiration et de désespoir. Prenons le CICE, dont vous n'avez cessé de vanter les mérites. On apprend cette semaine que le groupe Carrefour et son PDG, votre ami Alexandre Bompard, dont l'épouse est conseillère d'Édouard Philippe, j'aime le rappeler car elle a géré le dossier Zineb Redouane. Grâce à vous, Carrefour a empoché 750 millions d'euros pour créer 259 emplois. C'est à désespérer, au moment où il n'y a jamais eu aussi peu de lits dans les hôpitaux. C'est à désespérer, au moment où le SAMU social déborde et n'a jamais été autant sous pression. Prenons l'assurance chômage, où, sous prétexte d'économiser 3,6 milliards en traquant les employeurs abusant de CDD, vous allez en fait encore plus précariser les précaires. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Laurent Berger, qui n'est pourtant pas le plus virulent des syndicalistes. Moi, je crois que ces règles, c'est une punition aux demandeurs d'emploi. Cette réforme d'assurance chômage, elle est néfaste pour eux. On rentre, je crois, dans une forme de trappe à pauvreté pour ces demandeurs d'emploi. Et parmi ces précaires, ceux qui vont particulièrement morfler, ce sont les journalistes pigistes, les travailleurs médiatiques, qui constituent, ne l'oublions pas, la majorité aujourd'hui de ceux qui font vivre les télés, les radios, les journaux et les sites internet, et la pluralité des opinions. Et s'il n'y avait que ça, vous allez donc encore museler d'une manière plus efficace que votre foutue loi sur le secret des affaires, la presse. Je vous ai suivi lors de votre voyage dans les dom-toms, où tout était prévu pour éloigner les journalistes non acquis à votre cause et les foules de râleurs. Vos opérations de communication manquent pourtant de professionnalisme. Et au final, même si la presse mainstream joue votre jeu et le révèle assez peu, vous vous faites prendre. C'était encore plus flagrant à Rouen, où en arrivant around midnight, vous pensiez peut-être être peinard. Eh bien non. Vous vous expliquez-vous ? Madame, vous baissez la CAF et vous montez les allocations logements pour les ministres de 900 à 1200. C'est une honte. Mais madame, vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur le pays pour défaire une guerre civile et on le sait tous. Alors, vous avez remarqué, je ne vous ai pas parlé de votre tête-à-tête avec les journalistes de Valeurs Actuelles. D'autres s'en sont chargés. Monsieur le Président, je vais vous dire à quel point votre couverture pour Valeurs Actuelles était vraiment répugnante. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais de rien, ça me fait un grand plaisir. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde, voilà. soit à des gens qui propagent des fake news. Heureusement pour vous, vos conseillers en com ont bossé. L'un d'eux a même, si j'en crois une rumeur persistante, mis en jeu sa démission si vous ne l'écoutiez pas et si vous ne coupiez pas une trentaine de passages litigieux dans cet entretien. C'est la feuille de chou très libérale, L'Opinion, qui nous l'apprend. Dans cette première version que vous aviez validée, vous déclariez, entre autres, qu'Éric Zemmour était cool et intelligent, et vous excusiez le conseiller régional Odoul à l'origine de la polémique sur le voile à Dijon. Il se serait fait baiser, ce sont vos mots. Par qui? Par les médias, les associations musulmanes? On ne sait pas. Mais vous êtes puissamment indulgent vis-à-vis de ce coup fourré du Rassemblement national. On se demande pourquoi. Monsieur le Président, vous êtes fourbe. Monsieur le Président, vous êtes fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Vous êtes le copain qu'on aimerait ne pas avoir à l'école, le faillot qui drague les profs. Vous n'avez pas changé. Aujourd'hui, ce n'est plus les profs que vous draguez, mais les milliardaires et les fachos. Je voudrais revenir à Trump, Bannon, Marine Le Pen. Marine Le Pen est l'une des meilleures leaders politiques du monde. Pourquoi Steve Bannon? Parce qu'il est venu souvent en France à organiser des trainings et des rencontres avec les cadres du Parti nationaliste, du Rassemblement national. La plupart aujourd'hui présentent bien à la télé, mettent des cravates et des vestes étriquées. Ils ne crachent plus publiquement sur les Noirs, les Juifs, les Arabes. Un simple communicant qui aiderait Marine Le Pen à s'inspirer des Américains pour financer sa campagne ou affiner sa stratégie. Encore que les Arabes, quand ils sont musulmans et de plus en plus en djellaba ou voilés... Parfois, je me demande, la babouche est-elle un signe religieux? Non, sérieux. Il y a eu l'attentat contre la préfecture de police de Paris, puis le petit film sur la femme voilée à Dijon. Regardons ces images une dernière fois. Je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander, à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Elles ont été tournées par Pierre-Louis Mériguet. C'est de lui que le coup est parti. J'ai trouvé cette information dans un article non démenti, publié par La Horde, un site antifa. Je lis. Même si elle a été improvisée à l'arrivée de Fatima E dans l'hémicycle, l'intervention d'Odoul a été mise en scène pour produire un effet maximal. À 15h30, le compte Twitter du Rassemblement national, chargé de l'actualité des 15 élus d'extrême droite à l'Assemblée régionale, annonce, deux points, ouvrez les guillemets, « Nos élus quittent l'hémicycle après une provocation communautariste. La vidéo arrive sur le compte de Julien Odoul. » 10 minutes plus tard, l'intervention d'Odoul est publiée sur son compte Twitter. Elle ne provient pas de la captation vidéo faite par les services du Conseil régional. Elle a été réalisée par un collaborateur de l'élu qui a déclenché l'enregistrement avant le début de l'intervention. Il savait donc très bien ce qu'il allait filmer et le buzz raciste, dit La Horde, qu'il était susceptible d'en tirer. Celui qui filme, c'est donc ce Pierre-Louis Mériguet, chargé de la communication du groupe FN et de l'animation des réseaux sociaux. Le CV et le parcours de cet homme qui a quitté Tours pour Dijon laissent rêveur. Comme son aptitude à fabriquer de la fake news et à se faire prendre. Le climat est malsain. D'appel à la vigilance, au tir contre les mosquées, on sent monter cette petite musique. On sent surtout l'orchestre qui joue derrière. La une de Charlie Hebdo participe à « Cavana, tu dois pleurer en ce moment ». Elle participe pleinement à cette sinistre blague qui voudrait que la France soit envahie soudainement par une armée de femmes voilées. Ce qui, je le rappelle, n'avait jamais posé de problème avant. Avant quoi? Les attentats? Oui, mais non. Il y avait déjà eu des débats avant, bien avant. Un con veut interdire le voile. Un autre con relaie ça sur Twitter. Et un journal encore plus con reprend. Et hop, c'est parti. Putain, aller faire un tour à Londres, à New York, à Berlin, à Montréal, ça ne pose pas de problème. Cette montée en puissance de l'obscurantisme en France défie l'entendement. Est-ce qu'on pense aux enfants qui sont entourés par des gens? Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Quand j'entends ce sénateur, j'ai honte d'être Mosellan, Messin. Ce rond de cuir qui vit au crochet de la République depuis 50 ans, c'est l'acmé malheureusement temporaire de ce délire collectif. L'obscurantisme, c'est la négation du savoir, le rejet de la rationalité, de l'information, le refus de reconnaître les choses démontrées, la propagation de fausses nouvelles. C'est comme le dit Mark Cohn, Goebbels puis Hitler, Bannon puis Trump. Puis Le Pen et ses copains farceurs de génération identitaire que Macron trouve cool et intelligent. Je résume, je schématise. Craindre cette République islamique en marche, c'est alimenter ce débat malsain monté conjointement par le Rassemblement national et notre bien-aimé président. Janus, Jekyll and Hyde. Au rythme où nous fonçons dans ce brouillard poisseux, je crains que leur traité candidat FN qui a tiré sur la mosquée de Bayonne fasse des émules. Il est le premier d'une série qui peut-être vous fera gagner l'élection, monsieur le président. Mais peut-être pas. Peut-être qu'à force de jouer avec cette combustion-là, ce sera Marine Le Pen et ses petits soldats au costume bien mis qui emporteront la mise. Je regarde sur ma gauche, le bordel. Je regarde sur ma droite, la vanille. 7 ans. Putain, 7 ans. Je viens de retrouver la citation du général de Gaulle. On est en octobre 1945. Le PC a fait 5 millions de voix aux législatives, 28% des suffrages. Impossible, dira le général de Gaulle, dans ses mémoires, de ne pas entendre la voix profonde du peuple, comme on entend la rumeur de la mer. Pour ne pas finir sur une note complètement plombante, je voudrais vous montrer une image qui donne un peu d'espoir et vous faire écouter une jolie chanson de Marie Laforêt. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comprendront. Allez, salut! Et merci de nous soutenir. Ah, il voulait une photo, cet homme. Ah ben, je la fais avec lui, si vous voulez. Allez, ouais, ça serait une belle photo. Allez, très bien. Je vais même faire une vidéo dessus. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte Et puis, y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Le président des riches veut casser le modèle social français. Je pense qu'on est à la veille d'un cataclysme social. On voit bien qu'il y a de l'agrégation de mécontentement qui est en train de s'opérer. J'ai souvent dit que la crainte était mauvaise conseillère en politique, donc je le réitère. Vous avez des organisations étudiantes très politisées à l'extrême gauche. C'est le retour au 19e siècle. Voilà. Le nouveau monde, c'est le retour au 19e siècle. À quoi sert le Parlement ? Le gouvernement qui s'affole à la veille de la mobilisation pour les retraites du 5 décembre et les explications de Jean-Luc Mélenchon sur la manifestation contre l'islamophobie. C'est dans le numéro 53 du Petit Coup de Bourbon. Le gouvernement a la trouille de ce qui peut arriver le 5 décembre et après. Car le 5 décembre, c'est le début de la grève contre le projet de réforme des retraites. Un mouvement auquel pourrait s'agréger la grogne des hôpitaux et celle des agriculteurs, sans oublier les étudiants après la tentative de suicide de l'un d'eux à Lyon, parce qu'ils ne parvenaient plus à subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Les signes de cette peur se multiplient comme cette spectaculaire volte-face à laquelle s'est livré le gouvernement en début de semaine. Je vous raconte. Hier, mercredi, un projet de loi autorisant le travail de nuit dans les commerces alimentaires, qui plus est sans majoration de salaire, devait être présenté au Conseil des ministres. Écoutez ce qu'en disait Éric Coquerel. Comme le pouvoir d'achat n'augmente pas, en réalité, ça ne veut pas dire que ça procure plus d'activité économique. Ça veut dire que ça dérégule tout et ça force les gens à travailler jour et nuit sans aucune règle sociale. Donc c'est le retour au 19e siècle. Voilà. Le nouveau monde, c'est le retour au 19e siècle. Coup de théâtre. Dans la soirée de mardi, on apprenait que le gouvernement repoussait l'examen du projet de loi en question. À la place, une concertation de 6 mois avec les différentes parties concernées. Et en cas d'accord, une ordonnance pourrait être prise dans les 18 mois suivants. Bref, un enterrement de première classe. À l'Élysée, quelqu'un s'est apparemment souvenu que nombre de salariés de l'alimentaire appartiennent au peuple des ronds-points et qu'à la veille du premier anniversaire du soulèvement de Gilets jaunes, il n'était pas bien malin de craquer ainsi une allumette à côté d'un baril de poudre. Car sur tous les bancs de l'hémicycle, on est convaincu que le pays entre dans une zone de turbulence dont personne ne connaît la sortie. Je pense qu'on est à la veille d'un cataclysme social et je ne comprends pas le gouvernement qui se plaît à mettre de l'huile sur le feu en permanence. Aujourd'hui, on a des mouvements assez forts qui commencent à se faire sentir. Ça a commencé au mois de septembre avec les professions libérales indépendantes, avocats, médecins et d'autres. On a déjà aujourd'hui des dépôts SNCF, c'était le cas il y a 15 jours, 3 semaines, qui se mettent spontanément en grève ou qui abusent du droit de retrait. On a le 5 décembre des mobilisations vraisemblablement très importantes. Bref, on voit bien qu'il y a de l'agrégation de mécontentement qui est en train de s'opérer. On sait que l'inquiétude pour le pays et pour le gouvernement et le risque est très grand et que nous, justement, on va essayer de jouer un peu le tampon. Mais pour ça, il faut que le gouvernement nous écoute un peu plus. Le président des riches veut casser le modèle social français, détricoter le droit à la retraite, casser la protection sociale à la française, s'en prendre au système de santé, envoyer les CRS sur les pompiers, déménager nos territoires en milieu rural, flinguer la commune comme instance de démocratie vivante. J'espère que le 5 décembre va être la coalition, la coagulation de toutes ces colères pour faire rentrer les marcheurs à la niche. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille et met à répéter Jacques Chirac. Emmanuel Macron aurait dû s'en souvenir. À cet horizon menaçant vient s'ajouter une tempête parlementaire. Les sénateurs examinent en ce moment le projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale il y a moins d'un mois. Une adoption qui fut laborieuse, on s'en souvient, l'État a fait le forcing pour insérer une disposition lui permettant de ne pas compenser les suppressions et allègements de cotisations décidés l'année dernière au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Un manque à gagner de 5 milliards. Eh bien, les sénateurs ont supprimé la disposition en question. En gros, ils disent au gouvernement, c'est vous qui avez amputé les ressources de la sécurité sociale, c'est donc à vous de combler le trou dans la caisse. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les élus de la Chambre haute ont tout simplement renoncé à poursuivre l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi ? À cause de la désinvolture d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Dimanche dernier, celle-ci s'était penchée dans les colonnes du journal du dimanche sur son plan pour l'hôpital. Moyens nouveaux, carrière revalorisée, reprise de la dette des hôpitaux, 30 milliards par l'État. Demain, on rase gratis. Cette façon de faire a ulcéré les sénateurs. Écoutez le rapporteur général de la loi s'adressant en séance à Agnès Buzyn. Les parlementaires que nous sommes, sommes irrités. Irrités, et c'est peu dire d'ailleurs, mais aussi inquiet. Inquiet sur le rôle du Parlement. Irrité car cet article dont vous dites que ce n'est pas une interview annonce quand même que vous avez réussi, et je vous en félicite, votre négociation et que le président a tranché. Mais vous n'en révélerez la teneur que le 20 novembre. Et c'est là où nous sommes inquiets. À quoi sert le Parlement ? À quoi sert ? À l'Assemblée, quasiment au même moment, c'est le député Jean-Carl Grelier qui flinguait la ministre pour les mêmes raisons. Ce week-end encore, la presse s'est faite l'écho de mesures précises visant à revaloriser les moyens budgétaires alloués à l'hôpital. Ni la commission des affaires sociales, ni notre Assemblée n'ont été préalablement informées de ces mesures. Il est d'ailleurs assez vraisemblable que le budget que nous avons voté et qui s'apprête à être examiné par le Sénat est à ce jour caduc, pour ne pas dire mort-né. Monsieur le ministre, entendez-vous continuer à faire jouer aux députés que nous sommes le rôle d'idiot utile de notre système de santé ? Mais pourquoi Agnès Buzyn a-t-elle ainsi piétiné la représentation nationale ? Tout simplement parce qu'il lui fallait annoncer quelque chose avant la manifestation nationale à Paris des personnels hospitaliers, c'est-à-dire avant ce jeudi 14 novembre. C'est le principe de la cocotte minute. On relâche un peu de vapeur avant qu'elle n'explose. Et tant pis pour les institutions de la République et leurs règles. Mais à part ça, il n'y a pas d'affolement. Ces revirements suffiront-ils à calmer le jeu avant le 5 décembre ? Hier, au Sénat, le secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, jouait l'esquive. J'ai souvent dit que la crainte était mauvaise conseillère en politique, donc je le réitère. Et vous savez que s'agissant du 5 décembre et d'une manière générale du dialogue social, nous sommes au travail, ministère par ministère. Et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, affectait de croire que l'immolation par le feu de l'étudiant lyonnais ne changeait rien à la donne. Vous avez des organisations étudiantes très politisées, à l'extrême gauche, qui appelaient déjà à une convergence et à une mobilisation le 5 décembre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, ma conviction, c'est que les étudiants, dans leur grande majorité, ils attendent qu'on avance. À 3 semaines d'un rendez-vous social qui s'annonce comme un tournant du quinquennat, le pouvoir semble de moins en moins assuré, comme s'il redoutait, cette fois, de perdre la bataille. Fallait-il y aller ? La manifestation contre l'islamophobie de dimanche dernier laissera des traces dans le camp de la gauche au sens large du terme. Le chef de file des écolos, Yannick Jadot, ne s'est finalement pas rendu à la manif. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, avait pris les devants en déclarant qu'il ne participerait pas à la marche. Mais Yann Brossat, adjoint au logement à la mairie de Paris et communiste lui aussi, est venu. Quant au PS, il brillait par son silence et son absence. Enfin, il y a les défections des députés FI François Ruffin et Adrien Quatennens. Bref, ce qui aurait dû être un moment de concorde républicaine après l'attentat contre la mosquée de Bayonne s'est transformé en un sommet de confusion politique et intellectuel. Dans le collimateur, il y a surtout Jean-Luc Mélenchon, accusé d'avoir abandonné la République pour les sirènes de l'islamo-gauchisme. Un procès en place publique auquel le président du groupe parlementaire de la France Insoumise a répondu dans une conférence de presse tenue un peu avant la manifestation. Des explications peu relayées sur lesquelles il n'est pas inutile de revenir. Première question, la présence de figures connues du communautarisme et de l'islamisme dans la manifestation. C'est la première fois qu'on voit une chose pareille. Qu'on finit par oublier l'événement fondateur au profit d'un tri de ceux qui viennent défendre les victimes. Pour ma part, je n'ai éprouvé aucune gêne lorsque, avec mes amis qui ici m'entourent et ceint de mon écharpe tricolore, je suis allé manifester contre l'odieux assassinat de Madame Mireille Knoll. Et il y avait pourtant ce jour-là Madame Le Pen elle-même dans le cortège, qui, elle, a été fort bien accueillie, ce qui ne fut pas notre cas, puisque nous en fûmes expulsés par une organisation qui s'appelle la Ligue de défense juive, qui, répondant à l'appel du CRIF, avait jugé utile de nous montrer du doigt. Tout ça est absurde. Dans des moments comme cela, il ne faut pas confondre quelques personnes avec la valeur de la cause qui est servie. Le texte de l'appel, ensuite. Celui-ci fait référence à l'islamophobie, mot qui englobe indistinctement la critique de l'islam et la stigmatisation des musulmans. Deux choses pourtant bien différentes. L'islamophobie, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on n'utilise pas le mot parce qu'on a toujours craint que ça soit une manière de dire qu'on limite le droit à la critique d'une religion. Bon, ça s'entend. C'est un raisonnement de type philosophique. Mais que voulez-vous? Quand on en est rendu au fait que des gens tirent sur des personnes âgées à la porte d'une mosquée parce qu'ils se rendent à la mosquée, on est bien obligé de considérer qu'il y a des comportements qui s'apparentent à la phobie. L'appel évoque également des lois liberticides sans toutefois les nommer. Certains signataires ont confié ici et là qu'ils visaient la loi de 2004 sur l'interdiction du voile à l'école, sans parler de ceux plus rares qui y rangent la grande loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut croire qu'il s'agit d'autres textes. Les lois liberticides sont celles qui ont été votées au Sénat d'une manière absurde, qui interdit aux accompagnatrices voilées de se joindre aux enfants en sortie scolaire. Et puis l'autre, c'est la loi d'état d'urgence. Enfin, tout le monde a oublié. C'est quand même incroyable, cette loi d'état d'urgence transforme en suspect des dizaines de milliers de gens. Visiblement, les députés François Ruffin et Adrien Quatennens n'ont pas eu la même lecture puisqu'ils n'ont pas participé à la manifestation. Nous sommes un mouvement, nous sommes donc libres de nos appréciations personnelles. Elles peuvent différer. Bon, voilà, moi je préfère quand tout le monde est d'accord. Il y a des fois où c'est pas le cas. Ben, c'est la vie, hein. Puisque cet appel était ambigu à plus d'un titre, pourquoi la France Insoumise n'a-t-elle pas rédigé son propre appel? Cela aurait peut-être incité nombre d'hésitants à venir manifester. J'ai posé la question à Jean-Luc Mélenchon. Et bien sûr, on aurait pu faire notre propre texte. Alors, j'en prends ma responsabilité en tant que président de groupe, parce qu'on fait toutes sortes de textes. Mais regardez bien les affaires comme elles sont. De toute façon, à la fin, il y aurait eu un texte commun. Et je suppose que dans un texte commun, il aurait fallu faire des compromis. On a à peu près une idée sur quoi il aurait fallu les faire. Au final, on regrettera surtout que la grande vague républicaine que l'événement réclamait n'ait pas été au rendez-vous, car elle aurait submergé les tentatives de récupération communautaire et les polémiques qui vont avec. Merci d'avoir regardé ce petit coup de Bourbon. Pour nous aider, c'est par ici. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tuile, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Si la maternité elle avait été en place, j'avais 20% de chance de perdre mon enfant. Au vu de ce que je vois, là, j'avais 100% de chance de perdre mon enfant. Ce père de famille, c'est Fabrice Martinez. Sa vie a basculé quand sa femme a perdu leur enfant au début de l'année, après une grossesse compliquée. Malgré un transport d'urgence en hélicoptère jusqu'à la maternité de Montélimar, pour leur fils, il est déjà trop tard. Un drame qui s'est produit quelques mois après la fermeture de leur maternité de secteur dans la ville de Die. Des fermetures de maternité qui se multiplient, comme ici au Blanc, où les habitants se sont fortement mobilisés contre la fermeture de leur établissement. En juin 2018, l'agence régionale de santé ferme la maternité pour l'été. Elle ne rouvrira jamais ses portes. Quatre femmes enceintes ont porté plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui en juin dernier. Parmi elles, Stéphanie. Le terme de sa grossesse approche et la crainte d'un accouchement qui se passe mal grandit. Ça fait longtemps qu'on se stresse, en fait, très longtemps à l'avance. Moi, je sais que c'est mon sixième enfant. Donc j'accouche très vite, le dernier est né en une heure, et c'est pile le temps qu'il faudra que je mette en voiture. Donc c'est le stress de se dire, bah, peut-être que j'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à une maternité, peut-être que je vais accoucher chez moi toute seule, peut-être que je vais accoucher sur le bord de la route, on sait pas. Et donc ça c'est juste inadmissible en fait. Car depuis la fermeture de leur centre, les femmes enceintes du bassin blancois doivent faire une heure de route pour rejoindre les trois autres maternités de leur secteur. Et cette situation est loin d'être un cas isolé. Depuis 40 ans, deux tiers des maternités françaises ont fermé, la plupart, dans des territoires déjà fortement touchés par l'abandon des services publics. Désormais, plus de 167 000 Françaises vivent dans un désert obstétrique, à plus de 45 minutes de voiture d'une maternité. Alors avec le collectif de défense de la maternité, c'est pas demain la veille, ces mamans se sont organisées pour sensibiliser la population et limiter les dégâts. On a trouvé en fait une petite aire de stationnement dans un village à proximité du Blanc. Et on y a installé en fait une tente avec une table d'accouchement. Le jour de l'inauguration, on a présenté une application qu'on peut trouver sur Internet qui explique en fait comment faire pour accoucher dans la nature. Puisque bah voilà, on se retrouve finalement complètement abandonné et à devoir se débrouiller par nous-mêmes. Et puis ce qu'on appelle le pack une heure de route, donc c'est un petit kit qui est proposé à toutes les femmes qui vont accoucher. Dans lequel elles vont trouver des manettes à mettre sur leur véhicule. Donc celui-ci, il est pour mettre sur le capot avant de la voiture, un gyrophare. Donc là, l'idée, c'était aussi d'être visible de nuit parce qu'on habite en campagne. Et puis il y a un petit manette aussi pour l'arrière du véhicule qui dit, donc pareil, une heure de route égale une heure de doute. Des actions au caractère ironique qui soulignent la gravité de la situation. Chez ces mères, la colère a succédé à la peur. Stéphanie dénonce la politique de santé mise en place par Agnès Buzyn qui favorise les grosses maternités. J'ai rien contre les gros centres, mais c'est un peu des usines à bébés. On arrive, on a un numéro de dossier, on prend pas trop le temps de nous expliquer et du coup, on va rester peu de temps aussi à la maternité. Il y a des mamans, un premier bébé, elles ont besoin de faire des rencontres avec leur bébé, de voir le temps, chose qu'on avait ici et ça, c'est un petit peu dommage, ouais. Faire connaissance avec son bébé et aussi avec les sages-femmes, maillon indispensable du fonctionnement des maternités, il en existe plus de 22 000 en France. Elles entretiennent une relation privilégiée avec leurs patientes qui serait mise à mal par la diminution du nombre de maternités. Annie travaille depuis plus de 20 ans à l'hôpital d'Épinal. Ah oh, bonjour. Ah, c'est l'heure de manger pour Iris. Moi, des fois, je me dis, je suis privilégiée de pouvoir passer du temps avec une patiente. Quand on en parle avec d'autres collègues dans d'autres centres, des fois, je me dis, je suis chanceuse de pouvoir donner cette prestation à mes patientes. Si les sages-femmes craignent pour leurs conditions de travail, elles s'inquiètent surtout pour leurs patientes. Comment allez-vous ? Très bien. Élodie vient tout juste de commencer sa carrière de sage-femme, mais elle s'alarme déjà des conséquences de ses fermetures de maternité. Ça va. Moi, ça m'inquiète énormément pour les patientes. Parce que oui, c'est sûr, on regroupe les maternités et quand on écoute les médias, oui, mais on va mettre en place des choses pour que les patientes puissent retourner dans une maternité s'il y a le moindre souci. Oui, sauf que des fois, on ne peut pas le prédire à l'avance, le souci. Quand on a une patiente qui va se retrouver chez elle, qui va avoir une heure de contraction, qui va nous téléphoner en nous demandant est-ce qu'il faut que je vienne ou pas. Faire des consultations par téléphone, c'est impossible dans notre métier. On a besoin de sentir les choses, on a besoin de voir les patientes. Ne pas avoir d'hôpital de proximité à moins de 30 minutes, pour moi, ça devient quelque chose de dangereux pour nos patientes et ça va forcément conduire à des situations regrettables qu'on aurait pu éviter dans d'autres situations. Car la logique de concentration de ces établissements mis en place par le gouvernement favorise les accouchements hors maternité. Des accouchements sauvages qui multiplient par 3 le risque de bébé mort-né. Un risque que le gouvernement semble prêt à prendre, puisqu'un seuil minimum de 300 accouchements par an est fixé par la loi pour qu'une maternité reste ouverte. Pourtant, la ministre de la Santé invoque la sécurité des patientes pour justifier ces fermetures. Lorsque une maternité ne fonctionne plus qu'avec des intérimaires et que les listes de garde ne sont pas pourvues, et souvent ce ne sont même pas les obstétriciens qui manquent, ce sont les anesthésistes ou les pédiatres, en réalité nous n'avons pas d'autres moyens. Il n'y a rien de financier dans les ouvertures ou fermetures aujourd'hui des maternités. Rien. La seule chose qui compte pour moi en tant que ministre de la Santé, c'est la sécurité des femmes enceintes et des bébés. Mais comment parler de sécurité quand des femmes se retrouvent contraintes d'accoucher sur le bord de la route ? Pourquoi fixer un nombre d'accouchements minimal si ce n'est par souci de rentabilité ? Ces questions, nous avons voulu les poser aux agences régionales de santé qui gèrent ces fermetures de maternité au niveau local. Malheureusement, elles ont décliné toutes nos demandes d'interview. Même chose à Remiremont, petite commune au cœur des Vosges. En 2016, la maternité de la ville, dont dépendent 80 000 personnes, est menacée de fermeture. Un projet de fusion avec la maternité d'Épinal est annoncé par l'agence régionale de santé, mais grâce à la mobilisation des habitants, il est aujourd'hui suspendu. Jean Tisserand, médecin gynécologue, fait partie du comité de défense de l'établissement. Cette mode du gigantisme des grosses maternités regroupant plusieurs services met en danger les patientes, déjà par l'éloignement. Si on met la maternité de référence à 60 km, les gens ne se feront plus suivre. L'éloignement est un facteur également d'accouchement à domicile. Un accouchement peut bien se passer, hein, mais il peut mal se passer. L'accouchement à domicile, c'est l'accouchement des années 20, des années 30, des années 40, du siècle dernier, où il y avait une mortalité maternelle et périnatale importante. Et il ne faut pas accepter ça. Ne pas accepter, refuser ce retour en arrière, c'est ce qu'ont décidé tous les comités de défense des maternités de proximité dans l'Hexagone. À Tannes, Alkirch, Guingandie, Leblanc, Creil, Saint-Claude, où les maternités emportent avec leur fermeture un pan de l'histoire de ces territoires. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes. Ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Ou notre monsieur, ou notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusait de ramper jusqu'à la vieillesse. Ou notre bon maître, ou notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'honneur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, où notre bon maître, couvert de prêtres, où notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? Votre portrait, Corinne Mazirou, par Damien Cabrespine. Qu'est-ce qu'il y a que tu vas me regarder comme ça? Tu n'as jamais vu des lunettes? C'est un diamant brut, une actrice fantasque qui affole les compteurs d'audience avec sa chapka et ses enquêtes rondement menées. Vous avez appuyé sur le bouton on? Bah ouais, j'ai appuyé sur le bouton. Le bouton on? Bah je parle pas américain, tu parles chi toi peut-être? Corinne Mazirou, en 3 points, c'est 1. Une gouaille insolente, 2. Un physique hors norme, 3. Un engagement qui se décline aussi bien dans ses rôles que dans sa vie. Je la trouve extrêmement belle, extrêmement gracieuse et avec une classe folle quoi. Action! Avec son accent du Nord, son naturel désarmant et son à-propos désopilant, Corinne Mazirou s'est taillé une place à part dans le cinéma français. Après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. Hein. C'est comme qu'il dirait une rébellion positive. Fais gaffe, il y a la pétarde. Actrice engagée, femme militante. Solidaire! Elle a joué dans 80 films et séries. Elle a commencé par le théâtre de rue. Elle a arpenté les petites scènes du Festival Off d'Avignon avant de crever l'écran dans le film Louise Wimmer en 2011. C'est un film qui remue, qui parle de la dignité. De jamais se laisser abattre. Une filmographie d'une extrême cohérence. Maestro. L'engagement total de l'actrice à gauche toute se retrouve dans ses personnages. C'était quoi pour elle? Avec elle, le cinéma devient un combat, la mise en lumière d'une réalité sociale. Je l'aimais. Jacques Audiard, Francis Weber ou Patrice Chéreau sont eux aussi tombés sous le charme. Elle a donné la réplique, entre autres, à Nathalie Baye, Marion Cotillard ou Isabelle Adjani. Je vous rappelle les règles d'un médecin du travail, c'est simplement de nous signer des certificats qui nous indiquent si tel ou tel salarié peut travailler correctement sur un plateau. Depuis quelques années, elle est devenue une star du petit écran avec la série Capitaine Marlowe, réalisée par José Dayan et diffusée sur France 3. Jouer avec José, c'est génial, parce que ça speed, elle laisse faire toutes les impros qu'on veut. Yes, je savais. La guerre est déclarée. Elle y a mis beaucoup de son inventivité, de sa personnalité, de son humour. Mais aujourd'hui, c'est entourée de ses copines travailleuses sociales qu'elle compte aider des femmes SDF, les invisibles. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. C'est bon. Ouais. En même temps, c'est beaucoup. Peut-être la meilleure façon de débuter cette nouvelle année. Alors, on va reparler, bien sûr, des Invisibles. Tournée d'ailleurs dans le Nord. Vous êtes née à Douai, Corinne Mazirou, avec une enfance entre des parents qui sont pauvres. Sans doute une enfance difficile. Pourquoi vous voulez aujourd'hui continuer à vivre dans le Nord? Vous êtes attachée à cette région? Parce que j'y suis bien. Parce que j'y suis bien. Et puis parce que, pour des tas de raisons, parce que j'ai été dans plein d'autres régions, mais je suis revenue là parce que le boulot, parce que les potes, et puis parce qu'il y a il y a un côté où on n'oublie pas, on n'est pas dans une bulle, on vit dans le quotidien d'une majorité de personnes. Donc parfois les petits problèmes de riches qu'on peut avoir, ils sont vite dissolus en allant prendre le métro ou en voilà. Il y a un truc vrai. Et pourtant, il y aurait pu avoir des souvenirs douloureux d'une adolescence compliquée, qui est un peu dans l'errance. Vous en avez parlé. Vous n'avez pas eu envie d'effacer ça. L'effacer, c'est pas en fuyant les problèmes qu'on les résout. Et puis le but, c'est la résilience, comme dans le film de Louis Julien. C'est ce qui est mis à l'honneur dans le film. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film-là, parce qu'il... Oui, c'est un peu ce que j'essaye de vivre, moi, de mon côté. Il y avait eu des moments où vous vous êtes dit, je vais pas m'en sortir, ou je vais... Oh bah plein de fois, hein. Mais moi, j'ai pas eu les couilles de me foutre en l'air sous une rame de métro ou un camion, donc j'ai pris un suicide assisté sur longue durée, on va dire, mais il a pas marché. Tant mieux, peut-être. Et puis après, évidemment, vous êtes devenue actrice. Vous arrivez au théâtre tard, vous avez presque 30 ans. Pas de formation de comédienne, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous amène aux planches, aux jeux ? Des potes. C'est vraiment du hasard. C'est que du hasard. C'est que du hasard. Je suis montée sur les planches par hasard. Pas pour jouer, mais pour m'amuser dans un exercice. Et puis... Le flash, il a duré 20 minutes. Quoi. Au bout de 20 minutes, j'ai dit, ben voilà, c'est là-dedans que j'ai envie d'être, parce que c'est là qu'on m'écoutait, qu'on me regardait, qu'on me respectait. Je savais pas comment faire, alors, j'ai appris sur le tas et sur le tard. Avec des textes de Fassbinder, ouais. Fédo. Donc la culture, ce contact avec la culture, c'est ce qui vous sauve à ce moment-là, ou vous prenez conscience? Pas qu'à ce moment-là... C'est toujours le cas, c'est pas la culture, c'est les cultures, toutes les cultures différentes qu'on peut rencontrer, la culture populaire, qui est pas suffisamment à mon goût diffusée, mais bien sûr, les cultures, c'est... Et puis les cultures au sens large, hein. Éducation populaire, oui, ça c'est un truc auquel je crois beaucoup, et qui me donne un sens à ma vie. Il y a un premier rôle, on l'a dit dans ce portrait, le film Louise Wimmer, qui vous met en avant, le rôle d'une femme condamnée à la misère, mais digne. C'est une étape importante, fondateur dans votre carrière, ou en tout cas, c'est un des rôles qui vous a le plus marqué. Le film de Cyril Meneghin, ça a été le tournant, le gros virage, quoi. Parce que quand on est allé à la Mostra de Venise avec Cyril... Et on est sorti de la projection en... Voilà, le destin il a fait comme ça, tout de suite, juste après la projection. Ça a tout changé au niveau de... Je parle au niveau professionnel. Hein. Bien sûr. Ouais, c'était marrant d'ailleurs de voir le regard des gens, même encore maintenant, de voir le regard des gens que j'ai connus avant, qui n'est plus le même. Et justement, ce film, au fond, il annonce d'autres rôles de femmes dans la difficulté ou de femmes dignes et fortes. Et c'est le cas dans Les Invisibles, le film de Louis-Julien Petit, qui sera sur nos écrans mercredi. Alors, on pénètre avec vous et avec les actrices professionnelles et les actrices non professionnelles. Alors, moi, j'aime pas dire non professionnelles, parce qu'elles ont été rémunérées et dirigées comme toutes les autres actrices, donc elles le sont. Donc on vous entend, et c'est les actrices. On pénètre dans les foyers d'accueil pour femmes qui se trouvent dans la rue. On va regarder un extrait. Moi, j'étais soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps ? Un jour. C'est 24 heures, hein. C'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle Lady Di. Non, tu t'appelles pas Lady Di. Est-ce que t'es Lady Di ? Non. Il faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, j'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, mais attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu? Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. Pour lui, Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal, le style-là. T'as vu l'engin, il est bien. T'as vu l'engin. Voilà. Donc, ce qui ressort, et c'est le troisième film que vous faites avec Louis-Julien Petit, c'est cette façon d'écrire à la fois sur la réalité sociale, mais aussi, évidemment, avec cet humour. Mm-hmm. C'est ça qui vous a... C'est ça sa force. C'est ça sa force. Parce qu'il est... Au départ, le documentaire de Claire Jejeuny, qui est formidable... Oui, car c'est un documentaire, au départ, qui sert de trame. Oui, oui. Et donc, il voulait pas. Il s'est rendu compte qu'en fait, s'il partait pas dans la comédie sociale, ça allait quelque part faire redondant avec le documentaire de Claire. Et il a raison. Donc il a eu, je le dis souvent, mais il a eu les couilles d'arracher son scénario qu'il avait terminé. On devait tourner quelques temps après. Il a tout recommencé pour en faire une comédie sociale, à l'instar de Discount, parce que voilà, le message est plus fort, je trouve, quand on passe par l'humour. Et il a eu raison de le faire, parce que le résultat est formidable. Formidable, et on comprend qu'au fond, c'est le collectif, la solidarité qui fait qu'on va s'en sortir. Et ouais, comme dans la vie. Et c'est ça qui monte. Des femmes, elles viennent d'horizons très divers, celles qui n'ont rien. Elles ont fait de la prison, elles sont femmes, mères seules, etc. Mmh. Vous vous êtes inspirée de... Vous savez ce que c'est que la rue, vous aussi, Corinne Maziero. Ouais. Vous avez tiré dans votre propre expérience pour jouer, pour incarner... Je pense que tous les acteurs font ça. Je veux dire, même que ce soit conscient ou inconscient... On fait tous, enfin, je veux dire, on joue avec nos pieds, avec nos yeux, avec notre voix et avec notre passé. Donc voilà, mais je suis pas adepte de la psychanalyse sur plateau cinématographique, c'est pas mon truc, parce que je trouve que ça c'est un peu, je sais pas, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Et heureusement, Julien, il a pas fait ça non plus avec les autres actrices, c'est-à-dire qu'on n'a pas assisté à un déballage de bonjour, vous êtes chez le psy, on va profiter de vos petites larmes pour vous filmer, donner de l'émotion au spectateur. Et c'est pour ça, en fait, je pense que ça marche, parce que tout le monde était là comme acteur, actrice, en ayant conscience que c'était un jeu, mais en se servant peut-être de la vérité des sentiments qu'on peut avoir face à la colère, face à la résilience et pas face aux problèmes difficiles, voire tragiques qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on sent qu'on va chercher les talents de chacune, au fond, ce qu'elles savent faire, qu'elles savent faire des choses et qu'elles vont s'en sortir. Ouais. Avec brio et tous ensemble, ouais. Bien sûr, et on espère, et j'imagine avec ces films, c'est pas le premier, que le message peut passer auprès des dirigeants politiques, des maires de communes. Mais il commence déjà à passer. En tout cas, à chaque fois, on a fait pas mal d'avant-premières, beaucoup de débats avec les spectateurs, et à chaque fois, après, il y a des envies, les gens ont envie de bouger leur cul en assaut, dans les mairies, etc. Enfin, voilà. Et il y a déjà eu des premiers trucs. Il y a à Paris, à l'hôtel de ville, il y a des... Les femmes ont été accueillies. Oui, il y a quelques femmes à la rue qui sont accueillies dans des lits tranquilles où pendant une nuit, elles sont pas obligées de se planquer pour pas se faire agresser. Donc, c'est petit. Maintenant, la balle est dans le camp de ceux d'en haut. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si Tom dort point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dintelier, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure ne fâche au quai de brère, tâche de l'endormir par un canchon. Allez, dis-je, main narcisse de Matara, du pain épice du Chicago-go, si que t'es sache et que te fais dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si t'en dors point jusqu'à demain. Et si te me lèche faire une bonne semaine, j'irai dégager un bio saro. Un pantalon de drap, un gilet de laine, comme un petit milord te sera pharo. J't'accaterai le jour de l'ducasse, un porichinel cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capio pointu. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Nous irons dans le cours, Jeannette à vague, vire les marionnettes comme te rira. Quand t'atteindra dire un doux poule Jacques, pas le porichinelle qui parle maga, te l'y mettra d'un smenote au lieu de tout pain rond de carotte, il dira merci, pinche comme nous aurons du plaisir. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin.

Ils étaient condamnés pour des fautes contre la discipline, c'est-à-dire essentiellement pour avoir abandonné leur poste en présence de l'ennemi, avoir désobéi à leurs officiers sur le terrain, éventuellement des voies de fait. Donc la différence avec la justice civile, on est condamné pour quelque chose, là on condamne pour ne pas avoir fait quelque chose, pour avoir désobéi. Abandonner le poste, c'est la mort, désobéir, c'est la mort. Et surtout, il existe un règlement qui s'appelle la discipline générale, et la discipline dit que le subordonné doit obéir en permanence, sans hésitation ni murmure. Vous voyez, on est loin des droits de l'homme. Le but de l'exposition, c'est que, si vous voulez, il y a cette histoire de fusillés, c'est une histoire de mémoire. Et le premier souci, c'est de retourner à l'histoire. Donc, c'est ce que nous avons essayé ici, c'est-à-dire de mettre ce qu'on sait sur cette affaire-là réelle, sur les événements, à partir des archives. Et nous avons aussi fait appel à des artistes, parce que il n'y a rien de tel, la mémoire, on sait qu'elle est vivante lorsqu'il y a des artistes qui la transfigurent ou qui la subliment. Ça prouve que le sujet n'est pas mort et qu'il vit dans la société. Il faut savoir qu'à l'époque, les familles ont été stigmatisées. C'était des veuves de lâches, un truc comme ça exactement. Souvent, certaines ont été obligées de quitter leur village et tout. On fait des histoires assez sordides parce que, voilà, c'était... Et la deuxième génération en a pris autant. Pourquoi ? Parce que c'est des gamins ou des gamines qui n'ont rien compris. Elles ont vu leur mère tout d'un coup... Et ça les a traumatisés. J'ai découvert que, si vous voulez, que la première et deuxième génération ont été otages à tel point que cette deuxième génération n'a pas parlé à la troisième. Et la génération actuelle, c'est ce qu'elle dit, on nous a volé notre enfance, on ne sait pas. Et là, ils découvrent tout d'un coup. Et c'est un choc pour certains. Ils se posent le problème de savoir, peut-on les inscrire sur le monument aux morts ? Peut-on mettre à côté, dans un monument aux morts, quelqu'un qui a déserté ? Voilà, donc, c'est la société d'avant là. Alors, le problème qui se pose, c'est que souvent, les associations militantes d'un côté ou de l'autre se retournent vers l'État pour dire... Faites quelque chose. Et l'État est bien embarrassé. Bien embarrassé parce que, on en revient au phénomène des lois mémorielles. Bon, ça range rien. Moi, je pense que l'État n'a pas à s'occuper de ça. Je milite pour que on sorte tous les documents qui existent. Il existe des dossiers. Et que la population regarde. Je pense que tout Français est capable, tout citoyen, de comprendre quand c'est inique ou quand, bon, on voit des dossiers très mal faits directement là. D'autres, ça peut se discuter. Chaque dossier est un peu différent directement. Et puis, alors, il y a ceux qui, visiblement, qui étaient paralysés par l'horreur de ce qui se passe, qui sont restés sur place, qui ne sortent pas de la tranchée, par exemple. D'autres qui, au moins, n'ont pas pu supporter, qui sont partis. Bon, alors, c'est des petits déserteurs. La plupart de ces gens-là, moi, je considère que oui, il faut les réhabiliter. Vraiment, ils ont vécu des situations pareilles. Entre 20 ans et 40 ans, ils ont... que celui qui n'y a pas été en discute à peu près. Bon, pour ceux qui ont fait quand même des choses un peu plus loin et qui sont pénalement un peu discutables... Le mot de pardon, moi, me plairait assez. C'est-à-dire que quand même, on ne dise pas « Ah ben non, on ne les pardonne pas ». De plaines en forêts, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans, travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes,

et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muchons en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as cabaret ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Il y a un moment, il faut se poser la question très clairement de reculer l'âge de la retraite. Comme par hasard, juste avant la manifestation, on a besoin d'un bouc émissaire. La vraie question qui est posée s'agissant des retraites, c'est que voulons-nous pour nos vieux jours ? Il faut faire des choix courageux aujourd'hui. L'action de la préfecture de police était juste et légitime. En choisissant le camp de la répression, le préfet Lallement a quitté le camp de la République. Adressez-vous au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre. Arrêtez immédiatement vos hurlements. Le gouvernement qui s'active en coulisses pour gagner la bataille de l'opinion à la veille de la journée du 5 décembre, les suites de la manifestation de la place d'Italie qui déclenche un incident dans l'hémicycle. On en parle tout de suite dans le numéro 54 du Petit Coup de Bourbon. Le 5 décembre, c'est dans deux semaines, une journée de grève pour la sauvegarde des retraites qui s'annonce massive et qui pourrait bien devenir un tournant du quinquennat Macron, surtout si les arrêts de travail sont reconduits. La bataille de l'opinion sera déterminante et le gouvernement a déjà tiré quelques salves discrètes. Ainsi, ce rapport incendiaire de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines de la SNCF. Il a été rendu public lundi. Que dit ce document ? Que la SNCF ne supprime pas assez de postes. 1200 disparaissent pourtant chaque année depuis 2012. Pour la Cour des comptes, il faudrait porter ce chiffre à 2000. Le rapport met également en cause le taux d'absentéisme, la progression des salaires en fonction de l'ancienneté, les primes et les billets de train gratuits attribués aux cheminots. Il recommande également de renégocier l'organisation du travail et de développer la polyvalence des salariés. Un refrain connu, entonné en 2018 au moment de la réforme de la SNCF. Mais pourquoi ce document sort-il maintenant ? Comme par hasard, juste avant la manifestation, on a besoin d'un bouc émissaire. Moi, je pense qu'il y a des problèmes à la SNCF, c'est sûr. Mais pour autant, en faire le bouc émissaire de tous les problèmes, c'est indigne. Donc c'est facile de crier à roue sur la SNCF et de détruire le système par répartition sous prétexte qu'il y a des dysfonctionnements à la SNCF. Donc réglons les dysfonctionnements et ne foutons pas en l'air la retraite par répartition pour aboutir au système suédois à points qui est le début de la capitalisation. Moi, j'alerte sur les retraites. Il y a une immense manipulation. On désigne les méchants, après on dit qu'il y a un grand déficit, alors qu'en fait le déficit est mineur, et après on va foutre en l'air, ils vont foutre en l'air la régime par répartition pour ouvrir les fonds de pension. C'est ça la réalité. Ce sentiment d'être en face d'une manœuvre, plusieurs députés le partagent. Certains confiaient que le gouvernement aurait pu demander discrètement à la Cour des comptes de différer la remise du rapport de quelques semaines, histoire de ne pas braquer une catégorie sociale qui a les moyens de bloquer le pays. Matignon ne l'a pas fait. Préférant sans doute pointer du doigt une nouvelle fois les cheminots qui seront la cheville ouvrière de la journée du 5 décembre. On entend déjà la dénonciation de ces nantis qui prennent en otage les braves gens. Un autre document a également circulé en début de semaine. Cette fois, il s'agit d'une étude du Conseil d'orientation des retraites, le COR, rédigée à la demande de Matignon. Elle sera officiellement remise au Premier ministre aujourd'hui. Selon cet organisme, le déficit du système de retraite devrait osciller en 2025 entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d'euros. Ce déficit, le gouvernement entend le combler avant le basculement vers le système à points. Pour y parvenir, le corps propose trois pistes. Réduire le niveau des pensions, relever le montant des cotisations, relever l'âge de départ en retraite. C'est la dernière proposition qui a la préférence du comité. L'âge légal de départ est actuellement de 62 ans. Le corps propose de le repousser de 2,5 à 5,4 mois par génération à partir de la génération née en 1959. Pas de chance, c'est la mienne. Et c'est là qu'il y a un gros souci. Emmanuel Macron avait promis que les salariés qui sont à 5 ans de la retraite ne seraient pas impactés par le projet de réforme. Eh bien, si le gouvernement suit les recommandations du corps, cette promesse ne sera pas tenue. Une de plus. À l'Assemblée, le député Olivier Véran de La République En Marche s'employait à déminer la situation. Si l'objectif du gouvernement, c'est de se dire il faut qu'on réforme les retraites et qu'on part d'un système qui est propre, qui est net et qui n'ait plus de déficit, dans ce cas-là, ils pourront envisager éventuellement des mesures. Mais le corps n'est pas l'organisme qui fait les réformes dans notre pays. Ça s'appelle le gouvernement. Et moi, je suis député, donc je ne vais pas anticiper les propositions de réforme qui seront faites par le gouvernement une fois qu'ils auront pris connaissance d'un rapport qui n'est pas encore public. Mais du côté des Républicains, on s'impatiente. Il faut faire des choix courageux aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas de réforme Emmanuel Macron. Il y a de la communication sur les retraites d'Emmanuel Macron. Depuis 2 ans et demi qu'un délégué interministériel a été nommé, devenu depuis ministre, que s'est-il passé ? Rien. Des centaines, peut-être des milliers de réunions, de palabres. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Surtout, on est convaincu qu'il faut repousser l'âge du départ en retraite. Il y a un moment, il faut se poser la question très clairement de reculer l'âge de la retraite. Il n'y a pas 50 solutions. Ou on recule l'âge de la retraite, ou on fait baisser la valeur du point si on prend un système à points, ou on augmente les cotisations. Aucune de ces bonnes pistes ne semble retenue. Donc il reste quoi ? La variable du départ de l'âge à la retraite. Et je crois que le gouvernement, après avoir dit non dans tous les sens, et dans toutes les langues, va bien être obligé de prendre la mesure de cette question et le rapport du corps l'y oblige. Du côté de la France insoumise, on met l'accent sur les intentions du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement s'apprête en quelque sorte à nous dire « Vous allez être de plus en plus nombreux à table, mais nous ne cuisinerons pas un gâteau plus gros. » Et donc la réforme par points ne permet qu'une seule chose, de découper de plus petites parts pour les distribuer aux gens. Mais Adrien Quatennens ne veut pas rester dans une posture seulement critique. La vraie question qui est posée s'agissant des retraites, c'est que voulons-nous pour nos vieux jours ? Nous disons qu'il faut permettre de partir à un âge décent, c'est-à-dire un âge où l'on n'est pas cassé par le travail et où on assume que la retraite, c'est un nouvel âge de la vie, on a d'autres choses à faire. Et nous voulons proposer la liberté de partir à 60 ans. Maintenant, c'est comment on finance cela ? Et là-dessus, nous avons des pistes à proposer également. Nous présenterons prochainement un contre-projet complet et chiffré, mais je pose quelques pistes que vous pouvez réfléchir. D'abord, il y a une inégalité persistante entre les salaires des femmes et des hommes de l'ordre de 20%. Si on solutionne les choses en supprimant cette inégalité, songez-y, ça fait beaucoup de cotisations en plus pour financer à court terme les retraites. Augmenter les salaires, quand nous le disons, ça permet aussi d'améliorer les comptes sociaux. 1% d'augmentation des salaires, c'est jusqu'à 2,5 milliards de cotisations en plus. Quand nous parlons de planification écologique, de relance de l'activité, par exemple la transition agricole, c'est beaucoup d'emplois. Rien que 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. Ça, c'est à court terme. À plus long terme, nous posons l'hypothèse de mettre à contribution les revenus financiers, les revenus du capital qui ne contribuent pas aujourd'hui au financement des retraites. Or, la richesse produite, elle l'est bien par le travail. Hier, mercredi, c'était l'annonce du plan d'urgence pour l'hôpital. Nous savons tous ce que nous avons dû ou ce que nous devons à l'hôpital public. C'est pourquoi, sous l'autorité du président de la République, nous voulons agir et être à la hauteur de leurs attentes. Nous avons entendu leur colère, nous avons entendu leur épuisement, nous avons entendu leur désarroi. Et c'est pour répondre à cette colère, à cet épuisement et à ce désarroi que nous avons préparé avec Madame la Ministre le plan d'urgence pour les hôpitaux que je vais vous présenter à ses côtés. Un plan en trompe-l'œil. Prenons sa principale disposition, l'augmentation de l'enveloppe consacrée aux dépenses de santé. Celles-ci pourront croître de 1,5 milliard sur 3 ans, soit 300 millions en 2020. Pas mal, dites-vous. Enfin, les cordons de la bourse se desserrent. Le gouvernement a compris le malaise. Sauf qu'il y a un loup. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté par le gouvernement au début du mois d'octobre et voté en première lecture contraint les hôpitaux à faire 800 millions d'économies. En réalité, le plan d'urgence du gouvernement vient juste réduire de 300 millions le montant des économies demandées aux hôpitaux. L'effort à faire n'est plus que de 500 millions, 800 moins 300. Même topo pour le désendettement des établissements hospitaliers. Le gouvernement annonce que l'État va reprendre 10 milliards à sa charge. Sauf que la dette se monte à 30 milliards et que les intérêts de celle-ci vont continuer à pénaliser le fonctionnement des établissements. Enfin, il y a les primes qui vont être distribuées. Une prime annuelle de 800 euros pour les 40 000 infirmiers et aides-soignants de la région parisienne qui touchent moins de 1 900 euros par mois. Une prime annuelle pour l'engagement d'un montant moyen de 300 euros. Elle concernera 600 000 professionnels. Enfin, une prime mensuelle de 100 euros net pour les aides-soignants qui exercent auprès de personnes âgées et qui ont acquis une compétence spécifique en gériatrie. Pourquoi des primes et pas une revalorisation salariale ? Il y a une bonne raison à cela. Relever les traitements de la fonction publique hospitalière ouvrirait la porte à une revalorisation des rémunérations de tous les fonctionnaires. Et ça, il n'en est pas question pour Matignon. Ces mesures suffiront-elles à calmer la situation ? Le 30 novembre, les personnels de santé seront à nouveau dans la rue pour une manifestation nationale. On aura alors la réponse. Samedi, sur la place d'Italie, lors de l'acte 53 des Gilets jaunes, un manifestant pacifique, Manuel Timilli, a été grièvement blessé au visage par une grenade lacrymogène provenant d'un tir tendu. Il a perdu un œil. Hugo Bernalicis, député France Insoumise, est revenu sur le maintien de l'ordre dans la capitale ce jour-là, lors de la séance des questions au gouvernement. Vous avez démis de ses fonctions le préfet de police Michel Delpech pour raison de mauvaise gestion d'une manifestation de Gilets jaunes. Or, ce week-end, après une gestion calamiteuse de la manifestation parisienne, le préfet Didier Lallement, lui, reste. Comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures ? Est-ce parce qu'il respecte parfaitement vos consignes, à savoir gouverner par la peur ? La peur, quand on voit la vidéo de ce gilet jaune du Nord, Manuel Timilli, en train de discuter tranquillement, qui perd un œil sur un simple tir de grenade lacrymogène. Réponse du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. L'action de la préfecture de police était juste et légitime. Hugo Bernalicis répond à son tour au ministre. Dans l'étravé, les protestations fusent. En choisissant le camp de la répression, le préfet Lallement a quitté le camp de la République. Vous devez le démettre de ses fonctions. Votre volonté est de dissuader les Françaises et Français de manifester le 5 décembre. Merci, monsieur le député. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'empêcher l'exercice, le libre exercice du droit de manifester. D'ailleurs, samedi, ce droit a pu s'exercer partout en France, quand il n'y a pas eu de violence. Et il s'exerce presque tous les jours, monsieur le député, vous le savez très bien. Et la préfecture de police, comme les préfectures, en sont les garantes. C'est à ce moment que Richard Ferrand sanctionne François Ruffin, qu'il estime trop remuant. Une amende de 1 600 euros sera retenue sur son indemnité de parlementaire. Monsieur Ruffin, je vous rappelle au règlement, et ce sera inscrit au procès-verbal. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Simplement vous dire, monsieur le député, au même titre que le Premier ministre rappelait il y a peu de temps qu'il n'existait qu'une seule communauté, la communauté nationale. Il n'existe dans ce pays, monsieur le député, qu'un seul camp qui nous réunit tous, qui réunit les forces de l'ordre, le gouvernement, les membres de la représentation nationale et tous ceux qui veulent manifester paisiblement. Ce camp, c'est le camp de la République. Merci, monsieur le ministre. Et l'incident se poursuit. Arrêtez immédiatement vos hurlements. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous vous asseyez. Monsieur le Président Mélenchon, regagnez votre place. Notez l'huissier qui s'avance dans les travées pour inviter Jean-Luc Mélenchon à se rasseoir. Un peu de calme. On ne peut pas passer son temps à stigmatiser la violence et donner ce spectacle de violence verbale. Sachez vous tenir. Regagnez votre place. Asseyez-vous. Asseyez-vous immédiatement. Regagnez votre place. Une dizaine de minutes plus tard, c'est Édouard Philippe qui vient au secours du préfet Lallement. Sur tous les bancs, nous en sommes d'accord, en tout cas je l'espère. Mettre en cause nommément un fonctionnaire qui exerce sa mission au service de l'État et qui, dans cet hémicycle, ne peut pas répondre puisqu'il ne peut pas parler et qu'il ne peut pas s'y présenter, me semble ne pas exactement correspondre aux exigences que nous avons à poser d'une démocratie. Si vous avez à mettre en cause l'action d'un fonctionnaire, alors adressez-vous au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre. L'argument du Premier ministre mérite qu'on s'y arrête. Laurent Nunez, pourtant secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, ne serait pas assez qualifié pour répondre de l'attitude du préfet Lallement. Mais alors, À quoi sert donc ce secrétaire d'État ? À la sortie de la séance des questions au gouvernement, Hugo Bernalicis est revenu sur l'incident. Serait-on qu'ils s'en aillent et qu'ils arrêtent de matraquer les gens, de les éborgner et de ne pas avoir un seul mot, même pas un mot, pour ce gilet jaune qui est du Nord. Il se trouve qu'il est du Nord et il est sur Valenciennes et il manifeste régulièrement sur Lille. Là, il est allé à Paris cette fois-ci. On le voit sur une vidéo en train de discuter très tranquillement, très posément. Et là, bim, d'un coup, une grenade de lacrymogène qui vient lui exploser dans l'œil. Enfin, on peut moins dire que c'est pas acceptable, quoi. Cette obstination dans la défense du préfet éborgneur est symptomatique. Elle démontre que le gouvernement ne mise plus que sur la violence pour s'opposer au mouvement social. En cela, il s'éloigne du camp de la République. Merci d'avoir regardé cette émission. Pour nous soutenir, c'est par là. See you.